un peu du corps et religion dans le monde hindou, plutôt sur des plans relationnels. Et puis Véronique parlera plutôt de l'expérience du corps et du travail sur l'autre, dans un cadre religieux. Comme nous l'avions fait dans le volume que nous avons co-édité sur le corps, l'image du corps dans le monde hindou, j'aimerais commencer tout de suite par une première précaution qui est peut-être un peu oratoire, mais enfin elle me paraît importante parce qu'il y a souvent des présupposés qui traînent sur les contrastes en Orient-Occident, dans lesquels l'Occident serait dualiste et l'Orient, en tout cas l'Inde, serait moniste. Alors, on ne sait pas toujours qu'est-ce que veulent dire ces mots, mais... Faisons l'Occident, il n'est pas dualiste. Voilà. C'est la première chose. Ouais. Ça, c'est clair. Hein. C'est la première chose, voilà. Et puis, on va dire que l'Inde non plus n'est pas spécialement moniste, ou en tout cas, il y a tellement de courants de pensée divers que si certains tendent vers un certain monisme, d'autres sont très franchement dualistes, voire pluralistes, c'est-à-dire avec plus d'un côté d'une opposition binaire. Donc ça fait référence... C'est plus que dans la littérature populaire, c'est qu'on a des chercheurs extrêmement compétents qui ont écrit sur l'Inde, je l'ai mentionné tout à l'heure, et qui sont partis de cet a priori. C'est quelque chose qu'on trouve, y compris dans des publications spécialisées sur l'Inde, qui affirment que l'Inde est moniste. Alors, ça concerne l'opposition âme-corps, pour aller très très vite. Donc, pour aller encore plus vite, en Inde, il y a plusieurs systèmes philosophiques. Mais beaucoup d'entre eux opposent quelque chose qui est de l'ordre du transcendant ou du permanent, et puis quelque chose qui est de l'ordre, alors les mots sont à chaque fois truqués, mais en approximation de la nature ou du matériel ou du physique. Simplement, la séparation entre ces deux mondes-là n'est pas celle de l'âme et du corps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous mettrions dans l'âme qui sont très franchement du côté de la physicalité. Et puis, on pourrait dire que l'Inde a développé une vue beaucoup plus physique des représentations du corps. Par exemple, ce qui concerne non seulement les organes des sens, mais le sens même de la vue, de l'ouïe, etc., font partie de ces caractéristiques de la physicalité. La parole, elle n'est pas analysée comme vibration de l'air, mais elle est quand même considérée comme partie du monde matériel. Alors ensuite, il y a des gradations, donc il y a une opposition entre subtil et grossier, et donc il y a des éléments plus subtils et d'autres plus grossiers. Donc il y a toute une classification qui est assez complexe, dans laquelle je ne vais pas du tout rentrer, mais c'est quelque chose qui est, disons, un arrière-plan qui est assez important de comprendre. Dans la mesure où ça fait partie de ces préjugés assez tenaces, et je suis donc content aussi qu'on dénonce le fameux dualisme occidental. Michel Hulin l'avait déjà aussi tout à fait dénoncé cette fausse opposition, et en effet, c'est un type de contraste qui n'est pas bon. Donc quand on fait de la comparaison, eh bien, évidemment, il faut faire très attention au terme de la comparaison. Alors, ce qui est peut-être intéressant de noter aussi, disons, sur le plan de la relation, je vais aller dans deux grandes directions. La première concerne un ensemble d'analyses qui a été développé en particulier, mais pas seulement, par Louis Dumont, et qui est une réflexion sur l'impureté. Donc c'est pas Louis Dumont qui a inventé l'impureté, bien entendu. Simplement, il a mis dans sa réflexion un accent particulier dessus. Alors, pourquoi ça concerne le sujet d'aujourd'hui ? L'impureté, c'est quelque chose qui caractérise, je vais dire, le corps, hein, mais dans un sens très large, le corps est avec des degrés différents. C'est-à-dire que certaines personnes naissent et possède par nature un certain type d'impureté ou de degré d'impureté, et d'autres naissent avec un degré d'impureté différent. Derrière ce type de raisonnement, il y a la classification, ou le principe, disons, des castes, qui fait que certaines, des personnes qui naissent dans certaines castes sont dites, ou prétendent, parce que ça peut être contesté, sont dites être plus pures ou moins pures que d'autres. Ça va orienter évidemment tous les échanges sociaux, c'est un des arguments utilisés par Louis Dumont pour dénoncer la notion de stratification sociale. Il a dit, ça fait partie de sa théorie, que les castes ne sont pas simplement une forme de stratification sociale, parce que précisément, ce n'est pas simplement comme un système de classe où le pouvoir et la richesse permettraient de hiérarchiser les gens. C'est un système dans lequel il y a quelque chose d'un autre ordre, qu'on pourrait dire moral, ou de l'ordre de la pureté-impureté, qui est à la base même des relations inégalitaires entre les personnes. Et de ce fait, et là c'était un des thèmes que j'avais développé dans l'ouvrage où Régine aussi avait participé, on avait été dans un colloque il y a une dizaine d'années, j'avais développé l'idée que, tout à fait banale, vous êtes parmi les indianistes, mais qu'il est pratiquement impossible de différencier le social du religieux. Ça posait la question de la définition même du religieux. J'avais pris comme exemple, un exemple également tout à fait banal, qui est que si quelqu'un va tirer de l'eau du puits, c'est un acte qu'on verrait, nous, comme tout à fait en dehors du domaine religieux. À la limite, je pense que dans une situation ordinaire, en Inde aussi, on voit ça en dehors du domaine religieux. Par contre, il y a un certain nombre de contraintes à respecter pour que ça reste comme perçu comme ça. Supposons qu'un improbable, qu'une personne dite intouchable, c'est-à-dire avec une capacité à souiller les castes dites supérieures, aille tirer son eau dans le puits des castes supérieures, de Brahman, ce seul acte va souiller, mais souiller dans un sens religieux, le puits. C'est-à-dire que c'est pas qu'on va nettoyer le puits, c'est qu'on va le purifier après. Donc le fait de tirer de l'eau, qui est en apparence tout à fait anodin, et peut être perçu comme tel, si les règles de relation entre les personnes ne sont pas respectées, en termes de pureté, ça devient un problème religieux. Donc le religieux et le social sont un peu indémêlables, c'est comme deux faces des mêmes relations entre humains. Une des conséquences de ça, bon, qui nous sort peut-être un petit peu du domaine strictement religieux, pas tout à fait, c'est aussi que il n'y a pas une humanité. Bon, les Indiens sont pas idiots, ils savent très bien reconnaître les hommes, les femmes du monde animal ou du monde végétal, ils ne font pas la confusion. Mais en même temps, c'est perçu dans une certaine continuité, c'est-à-dire que il n'y a pas, on va dire, l'homme au sens générique qui serait avec l'idée que tout le monde aurait les mêmes droits ou la même nature. En fait, il y a des espèces humaines qui correspondent plus ou moins à cette hiérarchie de statut religieux, c'est-à-dire de statut en termes de pureté. Quand j'emploie statut, c'est dans le sens technique employé du mot, c'est pas seulement le rang ou le prestige. C'est cette notion particulière de statut lié à un degré de pureté ou d'impureté. Et donc, il n'y a pas une nature humaine uniforme, elle est elle-même, elle est différenciée à l'intérieur, elle est hiérarchisée, il y a des espèces humaines qui sont dans la continuité, du coup, pensée en tout cas dans la continuité, des autres espèces vivantes. Si bien que ça pose de façon différente le problème de la nature ou de la surnature. Là aussi, on revient aux conséquences que ça peut avoir dans le domaine religieux. Il n'y a pas non plus de hiatus irréductible entre le monde humain et le vivant, et puis eh bien, les fantômes, un certain nombre d'esprits plus ou moins sympathiques et les dieux. Il y a une continuité également. Je me souviens d'avoir trouvé, alors je n'ai pas suffisamment bien préparé, je m'en excuse, je n'ai pas amené des citations de textes qui auraient permis d'illustrer de façon plus vivante mon exposé. Dans des textes védiques, donc tout à fait anciens, mais je pense que la logique reste à peu près la même sur ce point-là, on faisait une catégorisation des espèces vivantes. Donc il y avait la catégorie des êtres vivants nés d'un utérus. Alors il y avait des êtres humains, il y avait un certain nombre d'autres animaux nés d'un utérus, et puis il y avait une catégorie que moi j'appelle des ogres, mais qui est souvent traduite par démons, qui sont les rakshas. Des personnages qui ont la réputation de dévorer la chair humaine, qui sont souvent géants, qui peuvent être invisibles, qui peuvent prendre différentes formes. J'aime mieux la traduction d'ogre parce que, justement, dans notre propre arrière-plan mental, les ogres sont bien du monde naturel et pas d'une surnature. Tandis que démons pourraient prêter à confusion et les mettre du côté des démons, des diables, ce qu'ils ne sont pas. Ils sont nés d'un utérus, même s'ils ont évidemment, ils sont invisibles et ils ont un certain nombre de caractéristiques que les humains n'ont pas. Et c'est le cas pour un certain nombre d'autres fantômes ou d'autres esprits qui peuvent être présentés, peut-être de façon apparemment contradictoire, mais simultanément à la fois comme des mauvais morts, c'est-à-dire des humains qui ont souffert une mort répondant à des caractéristiques qui font qu'ils vont hanter les lieux, ou bien ils sont nés aussi naturellement, ou bien ils sont nés de la volonté des dieux. Donc on trouve tous ces discours qui peuvent paraître un petit peu confondants, mais qui, à mon avis, montrent cette continuité perçue entre le monde vivant naturel et puis ce que nous, on aurait catégorisé comme surnature, et qui est donc une autre forme du naturel. Juste pour faire et mettre une petite peau de banane, mais que je ne vais pas développer, je mentionne une réflexion de Charles Malamud, alors cette fois par rapport à la période la plus ancienne de l'Inde, mais l'Inde védique, où il avait montré que, en fait, l'ensemble du monde naturel est produit par le rite, c'est-à-dire c'est le rite, la pratique rituelle elle-même produit la nature. Une espèce de paradoxe sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qui montre un peu la complexité aussi de ces catégories. Et qui pose beaucoup de problèmes de traduction, souvent, à un niveau très pratique. Alors, une autre direction dans laquelle la réflexion des chercheurs sur l'Inde, au moins à une certaine époque, s'est portée, est un peu dans la continuité de ce qui avait été fait sur la Mélanésie et d'autres régions du monde, c'est l'intégrité corporelle. On n'est plus dans les notions de pur-impur, simplement. On est qu'est-ce que le corps en termes d'individu. Là, c'est une école de chercheurs autour d'un certain Mackay Marriott, qui était professeur d'anthropologie à Chicago. Un de ceux qui affirmait donc de façon tout à fait sérieuse que l'Occident était dualiste et l'Inde monoïste, et qui servait pour ça d'une des théories indiennes qui s'appelle le Samkhya, qui est parfaitement dualiste d'ailleurs. Alors lui a développé un courant de pensée intéressant qui consistait à montrer que les conceptions du corps en Inde ne le voient pas comme un ensemble fermé avec une peau qui serait une enveloppe hermétique. Au contraire, la personne indienne serait poreuse, c'est-à-dire qu'il y a des échanges de substances, la substance étant entendue dans ce sens physique étendu que j'ai mentionné au début, donc ça peut être des substances invisibles et qui agissent à des milliers de kilomètres de distance, donc c'est pas notre substance la plus matérielle, grossière, c'est une autre notion de substance, mais qui s'oppose à une autre catégorie. Donc ces substances parfaitement subtiles, invisibles et tout ça, circulent entre les corps, donc les corps eux-mêmes sont pour eux, et puis si elles circulent, ça veut dire que ça vient d'un corps, ça va dans un autre. Donc en fait, la substance, toujours dans ce sens-là, la substance des corps ne cesse de se modifier par échange. Il y a des flux constants de substance. Donc la personne, elle est à la fois poreuse et divisible. Donc il avait la formule, c'est qu'il n'y a pas d'individu en Inde, il n'y a que des individus. Un jeu de mots un peu pour signifier que finalement, on est tous pris dans des flux et des échanges constants. Alors, ce type de représentation est aussi utile dans le sens où il centre bien l'attention sur l'importance de la centralité du corps, on va dire, dans les échanges humains. Et même la centralité du corps entendue dans son sens physique étendu. Physique étendue, j'en donne une illustration rapide. À un moment, j'ai travaillé sur l'astrologie et des séances qui se font dans des temps. L'astrologue, la première séance à laquelle j'allais, l'astrologue qui devait faire ça, n'est pas entré dans le temps. C'est un autre qui l'a remplacé avec son accord, parce qu'il était dans une période de pollution. Donc il ne pouvait pas entrer. Pourquoi il était dans une période de pollution? C'est parce que son frère, qui habitait en Amérique, venait d'avoir une petite fille, la naissance d'une petite fille. Donc la naissance, c'est un événement heureux, mais c'est un événement souillant. Donc la famille, au sens large, était souillée, et à des milliers de kilomètres de distance, cet astrologue ne pouvait donc pas temporairement entrer dans le temps. Donc McKim Marriott interprète ça comme un échange de substances subtil, mais qui est donc aussi qui circule facilement. Ce type de représentation s'accorde assez bien avec finalement les visions anatomiques du corps en Inde. Les descriptions ou les dessins qu'on peut avoir donnent une extraordinairement faible place aux organes. J'ai écrit il n'y a pas très longtemps un article qui sera publié sur le cerveau, plutôt sur l'absence de représentation du cerveau en Inde. Le cerveau n'existe que comme matière cervicale qui peut être mangée par un certain nombre de divinités assez cruelles sur les champs de bataille. Il n'intervient pas vraiment autrement. C'est-à-dire, en tout cas, il n'intervient certainement pas comme organe de la pensée, comme organe intéressant, et dans les rares figurations qui sont en général assez tardives du cerveau, qui sont traditionnelles, non occidentales d'origine, eh bien, il ne figure pas spécialement. Il y a d'autres représentations internes du corps, mais quasiment les seuls organes qui sont ponctuellement représentés, ça peut être le cœur et le foie, extrêmement peu d'autres choses. Par contre, il y a une prolifération d'imagerie en termes de canaux, de tuyaux, de canaux, de circuits qui permettent des flux de substances. Et la représentation de la physiologie du corps, c'est une représentation humorale. Donc qui fonctionne assez bien avec le type d'idées que McKim Marriott a pu développer. Et je souligne, ce n'est pas des idées, c'est des idées qui ont leur forme indienne, mais ce sont des idées qu'on trouve dans d'autres parties du monde, notamment en Mélanésie, où ça avait été développé par les Strater. Alors, bon, ça c'est un peu des points forts, disons, des conceptions du corps, qui montrent, je pense, à la fois, on peut les comprendre si on regarde notre propre histoire, hein, c'est-à-dire que ces flux humoraux, on les a eus aussi dans l'histoire des sciences en Occident. Georges Vigarello a fait un ancien et remarquable livre sur l'hygiène et la propreté, où on voit qu'à l'époque du XVIIIe siècle, les gens avaient une saine terreur des bains, parce que ça allait les pénétrer, ça allait leur faire entrer des tas de substances. Donc c'était quelque chose, une activité extraordinairement dangereuse. Elle est dangereuse qu'en termes justement de porosité, d'échange de substances, de flux, etc. Alors, c'est pas les mêmes termes, c'est pas les mêmes conceptions. En même temps, on voit qu'il y a des logiques qui pourraient être comparées, en tout cas qui ne doivent pas nous sembler trop exotiques si on les ramène à ce passé compris dans le monde occidental. Donc, ça, je veux dire, c'est les grandes catégories. Alors, ensuite, comment ça fonctionne, disons, sur le plan plus pratique des opérations religieuses, non pas sur le corps, ça va être Véronique qui va en parler, mais sur le plan, par exemple, d'un certain nombre de rites, ou en tout cas de l'image. Alors, une première remarque, c'est que, en très fort contraste avec le bouddhisme, qui pourtant est né dans le même monde il y a quelques siècles avant notre ère, il n'y a aucun culte des reliques. On ne collectionne pas les bouts d'os des gens. Alors, je vais tempérer ça, mais en tout cas, il n'y a pas le commerce des reliques, il n'y a pas un stupa à chaque, ou l'équivalent, un temple au-dessus de chaque doigt de pied ou phalange de la main, etc. Ce n'est pas quelque chose qui se pratique. Et d'une manière générale, comme vous le savez, au moins dans les hautes castes, on tend à faire disparaître les traces du corps. On le brûle, on jette les cendres et les petits bouts d'os calcinés qui restent après la crémation, on les jette dans le Gange, dans l'idéal, sinon dans des rivières ou dans l'océan. Et ça n'empêche pas de rendre un culte sur un certain nombre de générations aux ancêtres, mais c'est un culte qui prend d'autres supports pour actualiser, présentifier la présence des ancêtres. Ça n'est pas un culte à des endroits où des gens seraient enterrés, ou bien on aurait conservé des éléments de leur. Alors, à une réserve près, qui est que certains ascètes, mais là ça va être le travail de Véronique, certains ascètes ont fait un tel travail sur leur corps, sur leur personne, qu'ils atteignent un statut particulier, et ceux-là, on va les enterrer, mais ils ne sont pas morts. Donc je maintiens la version, les hautes castes n'enterrent pas leurs morts, on enterre les ascètes, mais ils sont supposés rester toujours en vie. Et je me souviens d'avoir visité un petit temple au dieu Shiva, dans le sud de l'Inde où je travaille. Et puis je vois un tuyau de plastique qui sort du sol juste à côté du mur du sanctuaire. Donc je me dis, vous voyez, c'est là, les gaines de trucs électriques, les vides. Donc je me dis, c'est comme ça arrive souvent en Inde, le travail n'a pas été fini. Enfin, je pose quand même la question à la personne avec qui j'étais. Il m'explique que c'était le tuyau pour respirer d'un ascète qui était enterré sous le temple. Donc c'est pas enterrer les morts, c'est enterrer des gens qui sont des morts vivants, vous voyez, je sais pas comment Véronique les dépeint d'avant, mais... Alors ils existent. Ah. Ils sont supposés pouvoir se réveiller et se réactiver. Il y a des histoires aussi. Ils sont immortels. Et ils sont dans leur caveau en dessous, ils sont immortels. Il y en a qu'on entend agiter leur petite clochette au moment de la puja, à minuit, etc. Ouais, c'est la roue, bon, donc pas de relique en tout cas. Je maintiendrai cette idée-là. Même s'il y a des temples au-dessus des ascètes en état de vie éternelle, il n'y a pas de relique. Par contre, il y a des images. Il y a des images. Et dans les images, il y a tout un débat en Inde, parce qu'encore une fois, c'est pas une pensée unifiée. Hein. Il faut imaginer de très grandes différences de perception et de conception possibles. Mais il y a un débat pour savoir si, par exemple, dans une statue qui est l'objet d'un culte, est-ce que la divinité est là ou est-ce qu'elle n'est pas là ? Dans notre vocabulaire à nous, est-ce que c'est une image, on va dire, ou est-ce que c'est une idole? Et en fait, il va y avoir des opinions différentes à propos de la même image. Donc ça va plutôt dépendre, on va dire, de l'éducation ou du background de la personne. J'ai entendu, et puis c'est une opinion courante, des gens dire que l'image, c'est simplement pour aider à la concentration de la pensée du fidèle. Donc, en fait, il ne faut pas penser que la divinité a vraiment cette forme-là, ou bien qu'elle est vraiment là. c'est simplement une espèce de support symbolique. Et puis le dévot vient régulièrement, c'est une sorte d'entraînement à se concentrer dans une divinité, qui est une approche du transcendant suprême, et lui il est inimaginable. On l'approche d'une façon en quelque sorte pédagogique, c'est une sorte de propédeutique à la transcendance. On va approcher ces images, et par le service qu'on leur rend, en croyant qu'il y a une présence, en fait, eh bien, progressivement, on se rapproche du divin. C'est un type de discours qu'on entend. Et puis, on a d'autres discours qui sont tout à fait explicites et qui montrent bien qu'il y a une présence là. Par exemple, telle pierre qui est la représentation ou le support de la divinité, on a su que la divinité était là parce qu'en coupant l'herbe, un travailleur agricole avec sa faucille a heurté la pierre et la pierre s'est mise à saigner. Là, on n'est pas dans le symbole, on est dans la présence effective. La pierre devient le corps du dieu. Il y a des images de la déesse qui ont leurs règles chaque mois. Donc, il y a un certain nombre d'autres discours qui vont absolument dans le sens opposé et qui montrent la réalité des présences divines dans les images elles-mêmes. Et il y a même une des branches du vishnouisme du Sud qui a, d'un point de vue théologique, a théorisé ça en disant que Vishnu lui-même peut décider de prendre son incarnation, un avatar, dans des statues faites par l'homme. C'est-à-dire des statues ou différents supports. Donc une diversité, mais on voit bien que l'image, alors, est quand même un point, l'image, mais au sens large, c'est pas toujours l'image anthropomorphique, ça peut être simplement des pierres, ça peut être une lampe à huile, ça peut être des choses extrêmement simples. Mais c'est un support non seulement pour le dévot, mais en tout cas du point de vue de beaucoup de personnes, pour une présence réelle de la divinité, qu'elle soit permanente ou simplement activée au moment du rituel. Et donc, si l'hindouisme n'est peut-être pas traditionnellement décrite comme une religion de l'incarnation, en fait, on y revient. C'est-à-dire que, avec cette continuité des êtres, avec cet investissement possible, parce qu'on est toujours dans le même monde matériel, en fait, à différents degrés, on va dire, de subtilité ou de grossièreté, mais on reste toujours dans le même monde matériel, en dehors du transcendant. La relation entre le transcendant et le monde matériel, ça, je ne rentre pas dedans, mais à l'intérieur de ce monde matériel, il y a vraiment beaucoup de choses, y compris les dieux. Et les dieux peuvent parfaitement, donc, rentrer dans une personne, s'incarner. Ils l'ont fait dans le passé, il y a beaucoup de mythes qui nous le disent. Il y a des naissances, les dieux naissent parmi nous. Ils se déguisent aussi. Donc Vishnu a pris plusieurs naissances. Shiva, lui, s'est régulièrement déguisé pour se montrer au milieu des personnes. Mais ça prend une dimension... C'est plus familier que le mythe encore. Quand j'ai séjourné en Inde, là où j'étais, c'était un quartier de la capitale du Kerala, Trivandrum, on me disait que dans ce quartier particulièrement, lié à tel temps, à côté duquel j'habitais, on avait vu plusieurs fois une vieille femme qui passait, et c'était la déesse qui était déguisée, qui voulait se promener un peu parmi ses dévots pour voir comment les choses allaient. Donc la déesse peut être représentée comme une très jolie jeune femme sur des images, sur des sculptures, mais dans l'imagination, quand elle est parmi les humains, dans ce qu'on me racontait, c'était à chaque fois une vieille femme, que, bon, c'est, avec des tests dans le genre demander l'aumône, montrer, voir si les gens sont sympas ou pas, et tester un peu le voisinage, ou se promener, voir comment ça se passe. Mais c'était des histoires contemporaines, c'était pas dans un passé lointain. Donc, cette familiarité des dieux, elle est physique, c'est-à-dire on rencontre des personnes qui pourraient très bien être un dieu, pourquoi pas, hein, je ne dis pas qu'on ne sait jamais, parce que, mais il y a des cas où on pense que ça pourrait en être. Et puis il y a aussi une familiarité, mais alors avec le monde invisible, c'est-à-dire que, en effet, les dieux ou les esprits ou les fantômes, ce qui est tellement moins rigolo, sont parmi nous, ils sont vraiment, ils nous entourent, ils sont un peu partout. Donc beaucoup d'histoires de fantômes, là où j'étais, j'imagine que c'est un peu général. C'est des histoires de fantômes dans le genre, la salle 28 de tel hôpital, elle est hantée. c'est des choses précises. Je veux dire, c'est la salle 7 du 105 boulevard Raspail, il y a un fantôme. On le sait tous bien. C'est, là, encore une fois, c'est du contemporain à chaque fois. Puis il y a des histoires derrière. Une fois dans un temple, j'ai vu aussi... c'est un temple à Shiva. Les grandes divinités comme Shiva, etc., ont ce qu'on appelle un véhicule. C'est un animal. Dans le cas de Shiva, c'est un taureau. Et c'est un peu... Parfois, ces animaux ont un côté de médiateur, parfois, ou de... un côté plus familier qu'une divinité qui est parfois impressionnante. J'ai vu un dévot s'approcher de la statue du taureau qui faisait face au sanctuaire de Shiva et lui parler à l'oreille. C'est-à-dire, il se penchait à la pierre, là, puis il lui murmurait quelque chose à l'oreille. J'imagine que c'était un message à destination du dieu, un vœu, une demande. Donc il y a cette familiarité tout à fait marquée. Et autre forme, alors... Puis je vais terminer là. Autre forme finalement de ces possibilités d'incarnation, eh bien, c'est la possession religieuse. Donc ça, avec Daniel Averti, il avait écrit dans le dictionnaire l'entrée possession. Dans le cas indien, c'est quelque chose qui n'est pas forcément répandu, mais qui n'est pas nécessairement étonnant que ce soit une explication en termes de possession néfaste, c'est-à-dire on pense qu'il y a un certain nombre de difficultés qu'on rencontre, de malheurs, qui sont dus au fait que quelqu'un de la maison est possédé, pas forcément soi-même, mais quelqu'un de l'entourage. Et puis, la possession institutionnelle, c'est-à-dire que, même si ça tend peut-être à diminuer, il y a beaucoup de situations dans les temples où on a un recours à la parole des dieux, et pour avoir cette parole, eh bien, il y a un possédé, c'est quelqu'un qui a une certaine vocation à ça, ou qui appartient à certaines familles dont c'est la vocation, ça dépend des régions de l'Inde, et qui est supposé, à certains moments, être la divinité elle-même. Mais il n'y a pas d'étonnement particulier à cette possibilité, sauf que, comme dans toutes les possessions, il y a toujours un doute sur la réalité, à un moment donné, de ce qui se passe. Ça, c'est une autre question. Mais sur le fait qu'une personne, dans un temple, qui peut être un barbu ou être la déesse, s'exprime et soit la parole de la déesse ou agisse comme étant la déesse, c'est quelque chose qui est tout à fait accepté aussi. Donc, pour résumer, pas de relique, mais on va dire un régime de l'image, y compris de la présence corporelle, pour les divinités, qui est extrêmement développé. Je passe à Véronique pour le travail sur le corps. Toi tu as parlé finalement davantage du corps de l'homme indien ordinaire, c'est-à-dire l'homme dans le monde, l'homme qui agit, l'homme qui intervient, les nécessités, la façon dont son corps est envisagé et dont lui agit avec son corps. Et moi je vais parler davantage maintenant de ces virtuoses du religieux que sont les ascètes en général et des représentations du corps qui sous-tendent les disciplines ascétiques. Et qui apparaissent au premier abord totalement opposés, puisqu'on peut les regrouper sous deux grands ensembles qui sont d'un côté la cesse et de l'autre côté la jouissance. Alors, est-ce que ces deux perceptions de la relation au corps sont nécessairement totalement antithétiques? Et en quoi ça consiste? C'est donc ce que je vais essayer d'évoquer. Alors, je vais commencer par le pôle ascétique, donc ces pratiques, ces usages qu'on associe le plus spontanément à l'idée de travail sur soi, en quête sur lorsqu'on est en quête de l'absolu, lorsqu'on est en quête de la délivrance, donc lorsqu'on est un renonçant, on cherche à s'abstraire du cycle des réincarnations qui, vous le savez, est une des armatures de la pensée religieuse hindoue. Donc, cette vie vouée à la quête spirituelle et à l'ascèse est donc orientée vers la production de ce qu'on appelle tapas en sanskrit et en hindi, c'est-à-dire l'échauffement, la chaleur, en fait, la chaleur ascétique. Alors, derrière ces traditions, il y a une image du corps qui, pour le dire vite, est négative. C'est un corps qui est un corps obstacle, un corps à contrôler, à discipliner, et même à la limite à mutiler. Alors, c'est un aspect que, spontanément, on n'associe pas toujours à l'Inde. Enfin, on a l'impression que c'est une vision judéo-chrétienne de l'ascétisme. Ça existe, enfin, je veux dire, ça a existé toujours, enfin, disons, depuis les Upanishads en Inde, et je vais vous donner quelques exemples et quelques citations de textes pour vous montrer la force de cette orientation où l'on voit le corps comme un lieu de passion, comme le lieu de passion qui font obstacle à la quête du bien ultime, et le corps, comme le disait Gilles, comme un lieu de concentration de l'impureté, comme un lieu éminemment impur. Donc, comme Gilles vous l'a dit, la croyance en l'impureté du corps et l'impureté de toutes les fonctions biologiques, c'est un élément clé en Inde de la compréhension des rapports sociaux. Mais là, je vais vous citer des textes plus religieux, disons purement. Par exemple, un texte de la Maitreya Upanishad. Alors, les Upanishads, ce sont ces textes qui font partie du corpus védique, mais qui sont plus métaphysiques, qui sont moins orientés vers le rituel que vers une démarche sotériologique, de réflexion sur la relation entre l'absolu, le brahman, et le soi, l'atman. Donc la Maitreya Upanishad, qui est une des grandes Upanishads, raconte l'histoire d'un roi qui veut renoncer au trône pour découvrir le soi. Et il prie ainsi. Dans ce corps insubstantiel et puant, magma d'os, de peau, de muscle, de moelle, de chair, de sperme, de sang, de mucus, de larmes, de châssis, d'excréments, d'urine, de bile et de phlegme, à quoi bon la satisfaction des désirs? Dans ce corps en proie au désir, à la colère, à la convoitise, à l'égarement, à la crainte, à l'abattement, à la jalousie, astreint à la séparation d'avec ce qu'on aime, à l'union avec ce que l'on n'aime point, à la faim, à la soif, à la vieillesse, à la mort, à la maladie, à la peine et aux autres misères, à quoi bon la satisfaction des désirs? Je suis dans ce flux perpétuel comme une grenouille dans un puits, aveuglée. Seigneur, veuille me délivrer. Alors ça, c'est une Maitreya Upanishad, donc un texte un peu antérieur au début de l'ère chrétienne. Pour vous montrer la continuité de cette vision du corps dans l'Inde, j'ai un autre texte, un chant de Kabir au XVe siècle. Kabir, c'est un tisserand, un grand poète mystique dont les chants continuent à être connu et chanté dans toute l'Inde contemporaine. Alors Kabir dit « En vain l'on a obtenu une naissance humaine, nombreux sont ceux qui ont droit sur ce corps. Femmes et enfants le fixent avidement, comme des chacals la gueule ouverte. Corbeaux et vautours attendent sa mort, cochons et chiens guettent son cadavre. Tu as considéré ce corps comme tien, et tu t'es égaré dans l'attachement aux biens sensibles, aux insensés. Nombreux sont les ayants droit de ce corps, toute ta vie tu en pâtis. Et tu ne reprends pas tes esprits, fou que tu es, et tu cries « à moi, à moi ». Donc, dans cette optique très sévère, enfin très, très hostile au corps, il y a tout un ensemble de pratiques qui mettent en pratique ces conceptions du corps et qui caractérisent le renonçant. Alors, d'abord, un premier mot sur les pratiques alimentaires. En Inde, il y a une croyance bien connue, un proverbe presque, qui dit qu'on est ce qu'on mange. Donc la nourriture a une action directe sur le corps et sur l'être même de la personne. Donc évidemment, celui qui veut se détacher de son corps, le yogi, l'ascète, s'efforce de contrôler sa nourriture, de contrôler un contrôle strict à la fois de la quantité et de la qualité de l'alimentation. Alors, on ne mange en fait que ce qui est strictement nécessaire pour se maintenir en vie. Il y a une vision, je dirais, médicale, médicinale de la nourriture, n'en tirer aucun plaisir, mais se maintenir en vie et dans un état de santé qui vous permet de continuer à pratiquer vos différentes disciplines. Alors, cette nourriture est donc peu fréquente. Il y a tout un ensemble de jeûnes qui sont programmés et en principe, la fête ne mange qu'une fois par jour. Et elle doit être fade, sans sel, sans épices, évidemment végétarienne. Elle doit être sattvique. Alors là, je fais juste une petite parenthèse pour vous parler de ce qu'on appelle les brunas. C'est-à-dire que la matière elle-même, donc le corps et la nature, sont constitués de trois composants, trois substances qu'on appelle des gunas. qui sont trois principes, en fait, qui sont l'un qu'on appelle sattva, qui représente le pôle de la pureté, de la blancheur, de la, du désincarné, quelque part, et du brahman, et de la connaissance. Ensuite, un pôle qu'on appelle rajas, qui représente l'activité, le sang, la chaleur, la couleur rouge, enfin, tout un ensemble de connotations qui manifeste l'affirmation de la vie, en fait, et tamas, qui est, lui, le pôle, le guna de l'attachement à la matière, du sombre, du lourd, de ce qui nous ancre dans le plus corporel, dans le plus lourd. Donc, les nourritures aussi sont réparties en fonction de cette tripartition, et les ascètes, eux, cherchent à ne consommer que des nourritures dites sattviques, donc des nourritures pures, qui sont très souvent d'ailleurs des nourritures lactées. Enfin, il y a une valorisation du lait, du beurre, de toutes ces substances, et puis des céréales. Oui, ça. Alors, il y a des vœux particuliers aussi qui cherchent à limiter la consommation. Il y a certains ascètes qui font le vœu de ne se nourrir, par exemple, que d'une seule sorte d'aliment. Vous avez les anahari, c'est-à-dire ceux qui ne mangeront que des céréales. Vous avez les falahari, ceux qui ne mangeront que des fruits. Vous avez les dudhari, ceux qui ne mangeront que du lait. Et puis vous avez aussi les nirahari, ceux qui ne mangeront rien. Alors l'idée étant que les jours de jeûne, vous changez de catégorie. C'est là ce que j'ai dit, est hiérarchisé, si vous voulez, du plus au moins. Donc vous changez de catégorie et vous devez, quand vous êtes un buveur de lait, vous devenez un mangeur de rien. Le jour où vous avez décidé de faire un jeûne, il y a aussi un jeûne qu'on appelle le jeûne de la pleine lune, le jeûne de la lune, qui est aussi pratiqué d'ailleurs par, pas seulement par les ascètes, mais par des laïcs. Et moi je l'avais rencontré comme une pénitence qui avait été imposée à quelqu'un qui avait transgressé une règle de pureté. C'est ce qu'on appelle le Chandrayana Vrata, le vœu de la lune. Le jour de la pleine lune, vous mangez 13 poignées de riz. Et à chaque jour de la quinzaine lunaire, vous diminuez d'une poignée jusqu'au jour de la nouvelle lune où vous ne mangez rien. Et ensuite, à la lune croissante, vous remangez progressivement une poignée, vous ajoutez une poignée jusqu'aux 13 poignées de la nouvelle lune suivante. Donc voilà, ce genre de restriction qui porte sur l'alimentation, qui vise à la fois à montrer, à purifier le corps, et puis à s'en détacher, à se libérer de toute indulgence et de tout plaisir. C'est la même chose pour ce qui est de l'ordre de l'apparence et du vêtement. Les ascètes sont en principe soit nus, soit vêtus de façon minimale, d'étoffes usagées, de haillons, les cheveux et la barbe laissés en broussailles. C'est une façon de marquer le désintérêt pour le corps, et c'est une façon aussi de marquer un rapprochement de l'ascète avec la nature. Ça l'inscrit dans cet univers de la forêt, en fait, ou de la jungle, qui s'oppose à l'univers villageois de ceux qui sont pris dans les filets du monde. Alors, à ce mépris des besoins du corps s'ajoute aussi la recherche parfois chez certains de l'inconfort. Certains ascètes, par exemple, ont des ceintures en bois, portent des ceintures en bois extrêmement épaisses qui les empêchent de se reposer en position allongée. Alors, juste deux mots ici sur ces pratiques extrêmes qui vont jusqu'à l'automutilation et qui ont en effet toujours impressionné les visiteurs. Quand vous avez tous les visiteurs qui, en Inde, au 17e, 18e, 19e, rencontraient ces ascètes la tête en bas, accrochés à des arbres, ou alors pour une des pratiques ascétiques les plus connues, le bras qui font le vœu d'avoir le bras sans cesse levé et le poignet fermé, ce qui fait que les ongles repoussent à l'intérieur de la main, si vous voulez. Donc le bras se dessèche au bout d'un certain temps. Alors ces vœux sont en général pour 12 ans, reconduits tous les 12 ans. Donc vous avez toujours des photos, la sensation des Kumbhmela où vous voyez ces ascètes avec en effet le bras totalement sclérosé et la main fermée. Vous avez aussi des pratiques mutilantes qui sont liées aux vœux de célibat. Vous avez des poids qui sont attachés au pénis et qui distendent les ligaments. Là aussi, il y a des photos sensationnelles. Mais ce n'est pas tellement l'impossibilité physique qui est valorisé. Ce qui compte, c'est la maîtrise des impulsions, c'est la maîtrise des besoins du corps et éventuellement le détournement de ces énergies corporelles, leur canalisation vers un autre but. En fait, on peut faire appel à la métaphore du barrage. Le flot des pulsions du corps qui est endigué, canalisé, produit une énergie considérable qui est mobilisable à d'autres fins. Alors c'est là qu'on peut comprendre aussi le vœu de chasteté. C'est un rapport au corps qui est fait de contraintes, de contrôle, mais au-delà de l'affirmation du détachement vis-à-vis du soi et du monde, il y a aussi la conception que cette abstinence sexuelle est une source d'énergie et que la pulsion sexuelle peut être transmuée et utilisée à d'autres fins. Alors, à ces pratiques ascétiques mettant en jeu le corps et qui, pour certaines d'entre elles, donc, sont vraiment très dures, je n'appliquerai pas le concept et l'adjectif de macératoire. On sait que beaucoup d'ascètes chrétiens ont pratiqué différentes formes de contraintes, de tortures sur le corps, mais avec la même volonté, disons, de contrôle et de discipline. Mais dans l'ascétisme et dans ces pratiques austères du christianisme, il y a une idée de pénitence, d'expiation, de douleur infligée qui est complètement étrangère à l'hindouisme. Il n'y a pas, me semble-t-il, chez ces ascètes aux pratiques extrêmes, de jouissance dans la douleur, d'acceptation de la souffrance, même comme un mal nécessaire. Par exemple, vous avez vu, vous connaissez aussi ces pratiques qu'on appelle le hook swinging, c'est-à-dire des dévots, il y en a beaucoup dans l'Inde du Sud et aussi en Singapour, en Malaisie, des dévots choisissent de se suspendre par des crochets et font offrande en fait de cet exploit physique, je dirais, d'être suspendu dans le vide par des crochets ou de tirer d'énormes charges attachés là aussi par des crochets qui sont pris dans la peau du dos. Ou alors encore, il se perce la poitrine ou il se perce la langue avec des espèces de tridents. Enfin, ouais. Il y a tout un ensemble d'actes qui nous paraissent assez horrifiques, mais ce qui est très important, c'est que les gens qui font ça ne doivent pas souffrir. Leur corps ne doit pas porter la trace de ce qu'ils ont fait, en fait. Et s'ils souffraient, c'est comme les marches sur le feu, si vous voulez, si les gens souffraient, ça serait le signe de l'échec de leur pratique. C'est que leur corps n'aurait pas été suffisamment purifié pour accepter cette discipline qu'ils ont imposée à ce corps, ou que la divinité qu'ils ont prié de les aider n'a pas été contente. Enfin bref, toujours toujours des explications. Alors, ces pratiques extrêmes sont fortement liées à l'obtention des pouvoirs. Et là, je passe donc à mon second pôle, disons, au pôle de la jouissance, c'est-à-dire que depuis le corps comme obstacle, comme menace pour l'ascèse, nous sommes passés à une autre dimension, où le corps n'est plus un obstacle sur le chemin de l'absolu, mais au contraire un moyen de l'atteindre, un moyen d'atteindre cet absolu. Et cette atteinte de l'absolu se fait dans et par la jouissance. Alors, on peut très schématiquement retrouver cette conception dans deux courants de la religion indienne, disons depuis le 5e siècle, à peu près après Jésus-Christ, et très contemporain, la bhakti d'un côté, c'est-à-dire la dévotion, et de l'autre, le tantrisme. Alors que l'absolu soit synonyme d'extase, que la découverte de la plénitude de l'être, que l'immersion dans l'au-delà s'accompagne d'un sentiment de joie totale, de bonheur océanique, de félicité, c'est quelque chose qui n'a rien pour nous surprendre et qui se rencontre dans bien d'autres traditions. Mais l'hindouisme, et spécialement l'hindouisme tantrique, ont développé cette conception en faisant le but même des pratiques. Et en élaborant tout un imaginaire du corps qui a pour fonction d'atteindre cette félicité dans le corps vivant. Alors d'abord, je vais parler de la bhakti, alors la dévotion, qui donc touche les ascètes, mais aussi les gens comme tout le monde, les gens du monde. Alors la bhakti est le plus souvent du côté du vishnouisme, c'est-à-dire des dévots divinités d'élection, pour divinités tutélaires, Vishnu. Là, je vous donne un exemple qui est des ascètes d'une secte qu'on appelle les Ramanandi, et qui sont des ascètes vishnouïdes, donc aux divinités Vishnu, et qui sont divisées en plusieurs groupes. Alors, il y a un groupe qui se donne comme but dans leur pratique religieuse le plaisir de la divinité Rama, qui est leur dieu tutélaire. Vishnu a des incarnations, et parmi ces incarnations, Rama est une des incarnations principales. Donc le dieu Rama, forme de Vishnu, avait pour épouse Sita. Il leur est arrivé beaucoup d'aventures qui sont racontées dans le gigantesque poème du Ramayana. Donc ils ont finalement passé de longues années séparées, mais ils ont pu quand même avoir ensemble des pratiques amoureuses qui leur ont donné beaucoup de plaisir, et les dévots, les ascètes Ramanandi dits rassiques, se mettent dans la position des servantes de Sita qui assistent aux ébats divins et qui en tirent leur propre plaisir. Donc ils s'impliquent, ces ascètes s'impliquent personnellement dans le plaisir du dieu, eux-mêmes se parent et présente pour le dieu, si vous voulez, tout un cadre, décore un cadre pour la présence divine qui est centrée sur la beauté et l'érotique. C'est une attitude aussi qui est très fréquente chez d'autres dévots et ascètes du dieu Krishna. Alors Krishna, c'est une autre des incarnations de Vishnu, c'est le dieu qu'on représente avec le corps bleu et qui joue de la flûte, et qui est le grand amoureux de la littérature indienne. Alors Krishna était notamment l'amant des gopis. Alors les gopis, c'était des vachères, et Krishna a séduit chacune des vachères, et il y a énormément de miniatures indiennes qui représentent ce thème de Krishna au milieu de ces vachères. Donc les dévots de Krishna ne sont plus les servantes, là, mais ils sont les gopis, ils se pensent, ils se voient comme les gopis, amoureuses de Krishna et aimées du dieu. Et ils se conçoivent comme féminins. Donc ils se vêtent de sari, ils décorent leur corps, et ils se sont totalement féminisés. Et pour eux, l'absolu, c'est l'union amoureuse qu'ils s'imaginent vivre avec le dieu Krishna. Alors cette mystique amoureuse, c'est le thème de beaucoup de chants, notamment de saints poètes vishnouïdes tamouls qu'on appelle les alvars, dans lequel le corps désirant de l'amante, c'est celui du dévot, et le corps désiré, c'est celui de la divinité. Je vous cite un poème. « Ô Seigneur des dieux, ma pensée pleine de passion touche ta lèvre rouge comme le fruit de l'arbre d'Imba. Cette lèvre, semblable à un flamboyant en pleine jeunesse, les jeunes vachères l'ont savourée, la flûte et la reine des cons qui ont goûté. » Alors, le tantrisme, lui, est globalement du côté shivaïte, donc du côté du dieu Shiva, et il s'agit d'une valorisation du corps aussi, mais complètement différemment. Il n'y a pas ici d'effusion dévotionnelle, mais de pratiques qui reposent sur une conception de l'absolu comme fusion du masculin et du féminin, comme fusion de ce qu'on appelle Purusha et Prakriti, l'être et la nature, ou le dieu Shiva et son épouse Shakti. Alors cette union, le yogi doit la réaliser dans son propre corps, selon un schéma corporel qui est bien connu parce que c'est celui du yoga, où l'énergie féminine est représentée dans le corps de l'ascète par un serpent, la kundalini, un serpent qui est levé à la base de la colonne vertébrale et qu'il s'agit de réveiller et de faire monter par le canal central jusqu'au sommet du crâne, siège du pôle masculin de Shiva, où le pôle féminin retrouve le pôle masculin, Shakti et Shiva, dans une union qui est une explosion de bonheur et une félicité suprême. Le yoga, il ne s'agit pas ici d'imaginaire, il s'agit vraiment de ressenti du corps. Les adeptes disent ressentir cette montée de l'énergie dans le corps et cette extase qu'ils obtiennent au terme de cette discipline. Alors là, c'est une discipline, disons, qui est interne au corps du yogi. Vous avez sûrement entendu parler aussi d'autres techniques pratiquées par les ascètes tantriques et qui sont considérées comme scandaleuses parce qu'elles mettent beaucoup plus directement en contact le féminin et le masculin. Ce sont les techniques qu'on appelle sexo-yogiques. Par exemple, un des textes tantriques qu'on appelle Hatha Yoga Pratipika expose bien tout à fait concrètement à propos d'une de ces pratiques qui s'appelle la Vajrayoga Mudra, comment il s'agit de mêler Bindu et Raja, c'est-à-dire la semence masculine et la semence féminine, qui est souvent le sang menstruel. Et cette conjonction s'obtient par l'union sexuelle concrètement pratiquée. Et que cette union soit une jouissance, le texte le dit clairement, je cite, « Après l'union, selon la méthode de Majoli, l'homme et la femme doivent oindre leur corps et demeurer assis dans un état de bonheur. Ceci est proclamé comme suprême jouissance et mérite toujours la confiance des yogis. Ce yoga bénéfique, accompagné par la jouissance, apporte la libération. » Un autre texte encore, la Shiva Samhita, un texte tantrique. « Par ce yoga, l'homme jouit de la totalité des jouissances, c'est certain. Par cela, la réalisation totale est assurée pour les yogins, en même temps qu'une jouissance et un bonheur immense. » C'est pourquoi l'on doit se consacrer à cette pratique. Donc vous voyez ici, le corps est l'instrument à la fois de la libération et de la jouissance, et de la libération par la jouissance. Ces pratiques ouvertement sexuelles sont pratiquées encore dans certains groupes, notamment au Gujarat et au Rajasthan. Il y a des sectes sur lesquelles, comme vous imaginez, on sait très très peu de choses, parce que les gens en parlent très peu, dans la mesure où c'est quand même dans une société indienne qui est globalement puritaine, considérée comme assez peu catholique, assez peu honorable. Donc il y a en effet des réunions d'adeptes qui se passent de nuit dans des forêts et où on va en couple et où les partenaires s'échangent et où on mélange dans un grand récipient qu'on appelle kunda, vase, le sperme des participants qui est ensuite consommé par tous les participants de la secte qui sont là. Je cite encore, parce que finalement tu n'en as pas parlé, les baols du Bengale. Les baols, vous les connaissez comme chanteurs, ils viennent souvent au théâtre de la ville. Alors ce sont des mystiques, parfois musulmans d'ailleurs, mais qui ont une pratique tout à fait particulière, totalement tantrique, et leur chant décrivent de façon métaphorique des pratiques d'union sexuelle qui produisent la joie suprême de l'unité ontologique retrouvée. C'est à travers la forme physique que le pratiquant réalise sa nature ultime, donc union sexuelle, mais aussi une autre pratique qu'on appelle le percement des quatre lunes. Là, je cite France Bhattacharya. Alors, il s'agit de l'application sur le corps et surtout de la consommation orale de quatre substances corporelles qui sont le sang menstruel, le sperme, l'urine et les selles. Or, ces substances corporelles sont données comme homologues aux éléments constitutifs du cosmos. Le sang menstruel au feu, le sperme au vent, l'urine à l'eau et les selles à la terre. Une petite parenthèse pour montrer, évoquer et montrer la différence avec la pratique de certaines saintes catholiques. J'avais lu un article tout à fait passionnant sur les saintes coprophages, les saintes catholiques qui cherchaient l'abjection et tiraient la jouissance de la consommation des déchets parmi les plus répugnants du corps, un article de Gilles Détard dans le livre de Françoise Héritier et Margarita Xantakou sur corps et affect. Mais là, il ne s'agit pas du tout de chercher l'abjection, il s'agit de voir ces substances que nous, qui ne sommes pas initiés, considérons comme abjectes, de les voir comme des substances qui sont de l'ordre de la nature, qui sont de l'ordre, qui sont de la même, du même ordre que de l'eau, le vent, le feu, et par cette consommation transgressive, de parvenir à un état de liberté totale par rapport aux paramètres ordinaires, en fait, par rapport aux conceptions ordinaires de l'homme. Donc toutes ces représentations prennent leur sens par rapport à une vision du corps qui est une vision du corps dans son lien avec le cosmos et dans son lien avec l'univers. Le corps est un microcosme de l'univers. Il y a une correspondance entre les éléments du corps et les éléments de l'univers. Et c'est pour ça que, dans la logique de cette cosmisation du corps, on attribue, on considère, ou eux-mêmes considèrent, les yogis considèrent qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. La connaissance et la maîtrise que le yogi, grâce à des années de pratique, obtient des mécanismes de son corps, lui permet par voie de conséquence une maîtrise des mécanismes de la nature, puisque corps et nature, le corps et tout ce qui nous entoure sont constitués des mêmes éléments. Maîtriser le souffle à l'intérieur de son corps revient à maîtriser le vent, revient à maîtriser le souffle dans la nature. Donc tout un ensemble de pouvoirs que développent les ascètes dans le cadre de cette cosmicisation du corps. Alors, cosmicisation du corps, mais aussi divinisation du corps, on y revient. Et il y a porosité, Gilles le disait, entre les humains, entre l'humain et le divin. Et beaucoup des pratiques dont j'ai parlé s'accompagnent d'une divinisation du corps de l'adepte. C'est une exigence du rituel. Les textes disent, pour honorer Shiva, il faut devenir Shiva. La même chose aussi dans les rites d'hommage des prêtres de Vishnu. Il faut transformer son corps par tout un ensemble de techniques. Il faut diviniser son corps pour pouvoir rendre hommage aux dieux. Alors, il y a différentes techniques. Je fais juste allusion à une technique qu'on appelle le nyasa. Ce sont des gestes d'imposition sur le corps du prêtre ou de l'ascète, de mantra, donc de formule, qui rendent présentes sur ce corps les divinités. Alors, je vous donne juste un tout petit exemple pour vous montrer la complexité de la chose. Une première série. Donc, vous voulez rendre hommage à une déesse qui s'appelle Tripura Sundari et qui a été étudiée par André Padoue. Alors, première série de ces gestes d'imposition sur le corps. On place sur le corps de l'officiant des pieds à la tête, six représentations de la déesse qui sont en réalité des divinités qui émanent d'elle et qui l'entourent. Donc, il y a 6 déesses autour d'elle, 50 représentations de Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, et pour chacune des 50, des parèdres. Également imposées sur le corps et visualisées sur le corps, à des emplacements bien précis décrits par les textes, tous les phonèmes du sanskrit. Ensuite, les 16 planètes. Ensuite, les constellations. Ensuite, les signes du zodiaque, et enfin, tous les 50 pitas, c'est-à-dire les lieux de pèlerinage qui marquent la présence de la déesse sur le corps de l'Inde. Donc, il faut imaginer ce prêtre visualisant réellement, grâce à son imaginaire, cette présence de multiples divinités, de multiples formes dans son corps même. Comment n'en est-il pas lui-même profondément transformé? Comment vit-il ensuite dans sa vie ordinaire? On ne sait pas. Je vous cite un poème pour vous montrer aussi que donc cette divinisation du corps, cette conception du corps comme un lieu où règne le Dieu est très importante et très présente dans toutes les traditions. Alors là, j'ai aussi des poètes de la tradition tamoul, shivaïte et chitta. Jadis, je pensais que ce corps n'était qu'un piètre objet. J'ai vu dans ce corps quelque chose d'immense. Dieu a établi son temple dans ce corps. Ce corps, je le sauvegarde donc. Je conclue peut-être. Je vous lis peut-être un petit texte encore. Je vous parlais de Kabir tout à l'heure à propos du désintérêt du corps et de ce corps comme lieu de mort, si vous voulez, sur lequel que tout le monde s'arrache en fait. Je vous cite un autre poème de Kabir pour vous montrer la complexité de ces positions. C'est-à-dire que ce ne sont pas des positions exclusives, si vous voulez. Ce sont des visions du corps qui coexistent, qui cohabitent et parfois en même temps chez les mêmes virtuoses, chez les mêmes ascètes. Alors là, Kabir écrit: l'antilope cherche partout le musc, ignorant qu'il se trouve dans son propre corps. Ainsi, nous cherchons le Seigneur au dehors. Le musc se trouve dans le nombril de la gazelle, mais celle-ci le cherche dans la forêt. Ainsi, Ram demeure dans tous les corps, mais le monde l'ignore. Quelques rares parfaits savent le reconnaître, qui ont soumis leurs cinq sens. Ceux qui n'ont pas dompté leurs sens ne peuvent jouir de la compagnie de Ram. Ce seigneur qui demeure dans le corps, par erreur, on ne le reconnaît pas. J'ai cru que Hari, Vishnu, était loin, mais il est présent en plénitude dans tous les êtres. Je l'ai cru extérieur à moi, et de proche, il est devenu lointain. Mais quand j'ai trouvé le véritable gourou, j'ai obtenu la vision. J'ai découvert Ram dans mon corps même. Comme la prunelle dans les yeux, ainsi est le Seigneur au milieu du corps. Les insensés ne le reconnaissent pas et vont le chercher au dehors. Donc ce corps, il faut savoir le connaître, il faut savoir l'utiliser, il faut éventuellement le contrôler et le contraindre, mais pour arriver à la découverte de l'absolu dans le corps, alors pour joindre mes deux pôles de la sèse et de l'amour du corps, disons, un petit poème que j'ai trouvé assez merveilleux de Bhartrihari, d'un grammairien du 5e siècle, et il décrit une ode au renoncement. Il y a juste ce petit quatrain. Renoncer aux attachements du monde, c'est seulement le discours de savant dont la bouche est pleine de mots de sagesse. Qui peut réellement renoncer aux hanches d'une belle femme parée de ceintures de rubis? C'est une belle conclusion sur le renoncement. Donc là, le corps est en fait quelque chose de très complexe. De rubis. Est-ce que c'est réversible, c'est-à-dire qu'on parle de la jouissance des hommes, mais en ce qui concerne les femmes? Alors oui, ça c'est le problème. C'est la question posée aussi, parce qu'on a l'impression que ces ascètes sont des hommes uniquement. Alors la jouissance des hommes, c'est les deux sens. Les femmes sont chantées quand même. Enfin, oui. Bon, le problème c'est religieux. Le problème c'est femmes et religieux. Les femmes et le monde, les femmes et la beauté des femmes, les femmes et la vie, c'est quelque chose de très important. Il y a, comme je vous l'ai dit, beaucoup de poèmes qui chantent la gloire des femmes et qui chantent et qui sont érotiques. Mais pour celui qui est dans une discipline strictement... Alors, dans une discipline religieuse qui est celle un peu dont je parle, c'est-à-dire de la quête de la délivrance, les femmes sont quand même le plus souvent soit un obstacle... C'est-à-dire sont la séduction, sont... Alors il y a des textes extrêmement horrifiques pour déconstruire le corps de la femme et montrer que c'est un amas d'os, de bile et de chair et que tout ce que les hommes aiment n'est vraiment qu'une horreur absolue, donc des textes très crus. La femme est aussi un conteneur, je dirais, dans le tantrisme, de substances qui sont utiles à l'homme. Donc les femmes sont utilisées. Les femmes sont utilisées dans les démarches tantriques, bien que certains textes quand même disent que ils sont à égalité et que la femme aussi peut être la doutie, celle qui accompagne le praticien tantrique, peut aussi elle-même être dans une démarche spirituelle et arriver à la libération et à la connaissance. Mais manifestement, ça n'intéresse pas beaucoup tous les rédacteurs de ces textes qui sont avant tout des hommes. En revanche, si on parle de la pratique... Oui, alors si on parle... Là, je vous parle donc de ceux qui cherchent à se détacher du monde. Mais quand on parle aussi des gens qui sont dans le monde et qui ont une pratique religieuse ordinaire, alors d'une part pour offrir des sacrifices aux divinités, offrir des sacrifices dans la période védique et puis ensuite maintenant encore pour être prêtre officiant, il faut être marié, avoir une épouse, il faut engendrer des enfants. Le devoir premier d'un homme dans le monde est d'engendrer des fils, et c'est toujours aussi important. Et donc l'épouse est évidemment première dans cette association, disons, pour engendrer des fils, faire une famille et maintenir l'ordre du monde. Donc l'équilibre entre l'homme et la femme sont très importants dans ce schéma-là. Et puis, oui, la dévotion, la bhakti dont j'ai parlé, est justement la forme d'approche du religieux qui est celle qui est ouverte aux femmes et aux gens de basse caste, aux gens qui sont non-brahmanes et qui, eux, peuvent avoir une approche du divin plus émotionnelle et qui leur permet donc d'avoir accès totalement... Du coup, il y a quelques... Dans le monde de la dévotion, il y a des femmes divinisées. Et il y a des... Dans ce cadre-là. Et il y a des grandes poétesses, là, les saints poètes dont je parlais, il y a des grandes poétesses de la tradition tamoule, notamment, qui sont des femmes et qui ont aussi un discours d'approche de la divinité de cette façon. Et il y a eu, on sait qu'il y a eu des théologiennes, enfin, on ne sait vraiment pas grand-chose sur la disons que dans la quête de la délivrance, on parle relativement peu des femmes. Mais il y a des renonçantes. Il existe des renonçantes, il y a des monastères de femmes. Dans la vision de l'homme dans le monde, la hiérarchie est tout à fait claire. C'est-à-dire que le mari est supposé être un dieu pour sa femme. Enfin, c'est un peu plus explicite. Mais à propos de l'incarnation à travers Krishna, l'incarnation de Vishnu à travers Krishna, je me suis demandé en vous écoutant quelle était la place de l'Ijra là-dedans. Les Ijra sont des hommes castrés qui en principe se présentent comme des femmes. Oui, alors les Ijra, c'est quelque chose de très particulier. Alors ce sont des hommes castrés ou des transgenres, enfin, ou des hommes qui ont une position indéterminée. Les Ijra sont très très mal vus dans la société indienne au niveau social, mais en revanche, ce sont des gens qui ont un rôle rituel très important, parce qu'on les appelle pour chanter des chants de bon augure au moment des mariages et au moment des naissances. Alors, il y a quelque chose de très particulier dans l'Inde, c'est que l'impureté est souvent bénéfique. Enfin, la dichotomie pureté-impureté ne recouvre pas du tout ce qui est propice et néfaste. C'est-à-dire que il peut être de très mauvais augure quand vous apprêtez à fonder un business, par exemple, vous sortez de chez vous et vous rencontrez un renonçant, c'est catastrophique, c'est très mauvais augure, vous n'avez plus de rentrer chez vous. Et inversement, la naissance est souillante, mais de bon augure. Voilà, donc, c'est la façon dont les choses se modulent comme ça est très intéressante. Et les femmes sont évidemment de bon augure, sont évidemment auspicieuses, etc., tout en n'étant pas du côté de la pureté. Vous avez parlé de moments d'impureté, de période transitoire d'impureté ou d'impureté substantielle à quelqu'un qui naît, par exemple. Alors, c'est pas de la musique indienne, ça. C'est à côté. C'est pas la télé qui a vu. Qu'est-ce qui rend impur et d'un autre côté, quelles sont les pratiques de purification? Vous avez parlé du jeûne comme une pratique de purification. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a qui passent par l'eau, par d'autres. Quelles sont les pratiques? L'eau déjà, oui. Qu'est-ce qui est impur au départ? C'est ce qui est lié au corporel quand même. Il y a une impureté de base, on va dire, et puis il y a en effet des modifications. Par exemple, quelqu'un qui naît brahmane, il naît avec un bon capital de pureté. Mais il peut avoir des circonstances dans lesquelles cette pureté est entachée. Par exemple, justement, un brahmane dont la femme vient d'accoucher, il est temporairement impur. Mais il y a une période à respecter, il y a une période dite d'impureté, et à la fin de cette période, il y a des rituels qui lui permettent de retrouver son état antérieur. Et alors pourquoi ces rituels? Alors, dans le cas particulier, je ne sais pas très bien, mais une des techniques les plus habituelles, c'est l'utilisation de l'eau avec des mantras. Il y a toujours une combinaison de gestes rituels et de paroles. Et donc l'eau, il y a un petit film qui montre ça bien, on voit un brahman en train de se mettre de l'eau dessus, et puis le film explique. Mais là, il n'est pas en train de se laver, il est en train de se purifier. Donc, il y a une différence entre l'hygiène et la purification. Mais ça passe par l'eau aussi bien. Par exemple, moi j'ai assisté à la scène des tisserands. Alors, les tisserands sont impurs, enfin, les couturiers, tisserands, etc., sont des intouchables, donc eux, impurs de naissance. Et ils fabriquent des vêtements pour la famille qui doivent ensuite les porter. Pour purifier les vêtements que le tisserand vient de faire, la femme a pris sa boucle d'oreille en or, a mis cette boucle d'oreille dans un récipient d'eau, donc elle a purifié l'eau par l'or, et elle a aspergé les vêtements de quelques gouttes d'eau qui, du coup, sont devenus purs. Donc c'était l'ensemble de petites techniques en fait. Donc c'est très très simple. Mais vous avez des rites de purification qui sont beaucoup plus lourds, comme par exemple... Une purification d'un temple, c'est un gros travail. Ça peut durer des journées et impliquer. Alors, en général, parce que les brahmanes ne sont quand même pas fous, sont eux qui purifient, et les purifications impliquent de nourrir beaucoup de brahmanes, un certain nombre de brahmanes. Plus votre faute est grande, plus la dureté est grande, plus le nombre de brahmanes que vous devez nourrir est grand. Il y a une autre chose qui m'a aussi beaucoup frappée, mais alors là, si on sort un petit peu de l'Inde, c'est ce que vous avez dit à propos de ces ascètes qui s'accrochent des choses par la peau du dos. Moi, j'ai trouvé ça au Brésil, chez des jeunes qui font ça, ça fait partie des conduites de l'extrême que l'on trouve actuellement, et je ne savais pas que ça existait en tant que... tradition chez les ascètes. Justement, c'est différent. C'est différent parce qu'il y a le climat d'un homme nommé cheval, dans lequel il est comme une rite d'initiation, il est suspendu, mais cette fois par la poitrine. C'est ça. Ça, c'est une forme d'initiation, c'est-à-dire il doit surmonter l'épreuve pour être un vrai homme. C'est un peu différent. Tandis que là, les rites dont parlait Véronique, ce sont des rites que peut faire, par exemple, mon enfant est malade. Je promets que je ferai ce rite-là si la déesse va le guérir. Ah, d'accord. Il guérit. Alors je vais le faire, ou alors je paye quelqu'un pour le faire. Il y a des combines. Ah, oui. Je vais le faire, ou quelqu'un va le faire, et alors il faut que je me prépare, sinon je vais avoir mal. Donc je vais avoir, en général, c'est une période de jeûne, je séjourne au temple, j'ai une nourriture contrôlée, pas de relations sexuelles, des prières, etc. Donc il y a toute une pratique à faire. Et normalement, si je suis bien préparé, le jour J, j'ai absolument pas mal. On passe des trucs, et puis, en tout cas, si j'ai mal, je ne le montre pas. Voilà. Parce que ça montre que Dieu vous protège. Il y a la grâce de Dieu qui s'est emparée de vous. Voilà. Et quand il n'y a pas la grâce de Dieu, comme c'est le cas des jeunes au Brésil, qui font ça, c'est uniquement ça. Eux le disent, c'est pour rentrer dans un autre état de conscience. Alors, parce que là, c'est différent. Comme le Brésil, où on peut rentrer autrement et plus facilement dans d'autres états de conscience, c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, j'ai été absolument effarée. Par la douleur, alors c'est la douleur finalement qui, quelque part. Voilà, qui fait qu'on rentre dans un autre état de conscience. Mais ils ne prennent pas de substances anesthésiantes A priori, non. Non, ils sont là. Alors, ils sont un petit peu. Ils peuvent être un peu allumés, on va dire, mais je pense que c'est une forme d'exaltation. C'est une connaissance aussi, on sait où il faut piquer. Oui, c'est pas eux, c'est fait par des spécialistes. Mais comment c'est reçu par la société, je dirais, des gens qui ne sont pas des virtuoses Est-ce qu'aujourd'hui... Parce qu'en fait, quand on entend ça... Ce ne sont pas des virtuoses qui font ça. Ce ne sont pas les corchettes. L'Inde est un pays... Moi, je ne connais pas l'Inde, enfin, d'après ce que j'entends, est-ce que vous écoutez. Il y a à la fois donc, toutes ces pratiques que vous avez décrites qui peuvent aller très loin, donc, aussi bien du côté des virtuoses peut-être que des non-virtuoses. Là, j'ai raté un... Les ascètes sont des virtuoses, mais là, les crochets, ce n'est pas forcément des virtuoses. Bon. Mais en même temps, l'Inde est une société qui est moderne, qui a accès à des... Ce double versant de l'ascèse et de la jouissance, la jouissance par l'extase qui résulte de l'ascèse, c'est des choses qui nous sont assez familières dans les représentations. Maintenant, la jouissance qui résulte d'une mise à l'épreuve traumatisante, enfin, semblant du corps, c'est autre chose. Et quand vous parliez, par exemple, des perforations, du corps meurtri, véritablement, comment c'est pas censé leur donner de la jouissance. Alors, non, mais justement... Ils ne sont supposés pas avoir mal, mais ça leur donne pas du plaisir. Comment tout ça se... Parce que vous avez fixé deux pôles, oui. Mais en même temps, il y a des choses qui se situent, je dirais, hors sol, à ce moment-là. Je dirais que le point d'ancrage des deux, c'est l'idée de pouvoir. C'est l'idée que ces pratiques extrêmes que vous faites sur votre propre corps... témoigne du contrôle que vous avez de ce corps et du coup vous permet de mobiliser à la fois vous-même mais aussi des forces extérieures pour avoir du pouvoir. Il y a des tas de récits, par exemple. Du pouvoir dans la guerre sociale. Vous avez des récits sur ce qu'on appelle les asuras. Les asuras, ce sont les antidieux, si vous voulez, les démons. Aussi pas les hommes, mais les alors ces asuras qui sont les opposants aux dieux partent toujours dans des pratiques extrêmes et ils ont des activités extraordinairement rigoureuses qui sont ciblées sur un dieu en particulier. Et par la rigueur de leur pratique, ils contraignent le dieu à intervenir pour eux. Donc vous avez dans toute la mythologie indienne des combats permanents entre les dieux et les asuras, parce que ces stupides dieux donnent aux asuras ce que les asuras leur demandent, c'est-à-dire des tas de pouvoirs. Ils sont pas stupides, ils sont contraints. Et pourquoi ? Oui, voilà. Pourquoi sont-ils ? Pourquoi les donnent-ils ? Parce que les disciplines que les asuras ont pratiquées obligent les dieux à satisfaire leurs vœux. Donc il y a un jeu de pouvoir. En termes d'échauffement. Oui. Alors, il y a l'échauffement ascétique, ça produit une telle chaleur que ça menace l'ordre du monde lui-même. C'est ça qui contraint les dieux. Les dieux ne veulent pas que le monde disparaisse, donc ils sont obligés de s'y. Donc il y a toute une spéculation. Alors là, on peut renvoyer aussi à Malamud qui a beaucoup travaillé sur les notions de chaleur, de sacrifice. Oui. Il y a cette dimension-là aussi. Et alors, je parlais d'énergie sexuelle aussi, je parlais du barrage, etc. C'était cette idée-là. C'est-à-dire que les énergies sexuelles, notamment, qui sont contraintes, canalisées, maîtrisées, peuvent se transformer en. En pouvoir bien supérieur, il y a toute une. Il y a quelque chose qu'on appelle les siddhis, qui sont les pouvoirs surnaturels que peuvent obtenir les ascètes au terme de ces pratiques, de toutes ces pratiques. Alors, ces pratiques qui englobent des pratiques de Hatha Yoga, par exemple, des pratiques alchimiques, enfin bon, ça nous entraîne très loin, là. Il y a toute une liste de ces siddhis où on peut devenir, par exemple, minuscule, immense, coextensible à l'univers, où on maîtrise les éléments de la nature. Oui, mais à partir du moment où les deux régies sont articulées, c'est assez logique, c'est cosmos et corps. Oui, exactement. Cosmos et corps, donc on voit bien que c'est un système dans lequel le corps est une espèce de véhicule, si je puis dire, on peut employer ce mot, peut-être pas adéquat pour votre culture, mais qui est une sorte d'échelle cosmique. Oui. Il est en correspondance, mais c'est plus que symbolique. Voilà. Il est en correspondance effective. Voilà, avec quand même un système dans lequel on canalise les énergies, mais réellement on les positive, avec l'intégration de la sexualité. Vous avez beaucoup de textes, là j'en avais un, mais je n'ai pas cité, dans lequel l'adepte raconte comment l'univers entier est présent à l'intérieur de son corps, de façon très concrète, très précise. Les poils de ses jambes, c'est la forêt de tel endroit, etc. etc. Donc tout ça est vraiment pas du tout de l'ordre du symbolique, je dirais. C'est vraiment très concrètement vécu, et donc la possibilité d'agir aussi. Dans les descriptions que vous avez faites, il y a aussi un élément très remarquable qui s'articule à ce qu'on vient de dire, c'est l'ouverture du corps. C'est-à-dire un monde dans lequel on n'est pas attaché à une conception strictement atomique, micro au sens. Il y a là une unité absolument pour elle-même. Et moi, je veux bien qu'on se réfère à Vigarello, mais le système occidental, il est complètement opposé. Vigarello, c'est un monde de la modernité qu'on pourrait discuter. D'ailleurs, le commentaire que vous avez fait allait précisément dans le sens de mon propre commentaire, c'est que les humeurs sur lesquelles il résonne, c'est les humeurs avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Ouais. Ce qu'on va pouvoir prendre, ce qu'on va pouvoir délaisser, parce que quand même, l'une des grandes options occidentales, c'est le corps fermé. C'est-à-dire, ce qui va être la conception du corps glorieux, c'est le corps clos. Le corps non sexué, le corps qui n'a plus d'excréments. En Inde aussi, ce qu'on cherche à contrôler, c'est justement ces échanges. C'est-à-dire, on est dans une situation potentielle de flux permanent. On contrôle les échanges sociaux. Mais on ne ferme pas. On ne ferme pas, parce que ce qui est vraiment très très intéressant dans la présentation dont il a été question, c'est le fait que c'est la tuyauterie qui intéresse. Ouais, oui, c'est vrai. Mais les orifices du corps sont quand même un lieu extrêmement dangereux. Il y a tout un... Ah bah, bien sûr, les jours de passage, c'est comme ça que la vérité circule aussi. Là aussi, il y a tout un jeu d'ouverture et de fermeture autour des orifices du corps. certains personnages ne sont pas contents, ils ferment leurs orifices. Oui, c'est aussi une image de... Ils enferment quelque chose à l'intérieur de leur corps et puis ils ferment toutes les orifices. Donc ce qui, la forme, enfin, ce qu'ils ont enfermé à l'intérieur de leur corps ne peut pas sortir. Enfin, il y a une série de conceptions qui sont liées à ces ouvertures et fermetures. Mais les ouvertures et les fermetures représentent une donnée structurelle. On les utilise en plus, en moins, on ferme. En tous les cas, c'est là-dessus qu'on insiste. Oui. Ça, c'est très remarquable, contre. Oui. Moi, j'avais trois questions, en fait. La première, c'est que j'étais très intéressée en l'idée que la vision anatomique du corps en Inde donne peu de place aux organes. Alors, dans le cas de la Chine, par exemple, ce que tu dis du cerveau, en fait, c'est vraiment tout à fait l'équivalent. Mais par contre, pour les autres organes, par exemple les divinités, on leur sculpte les organes à l'intérieur. Et ça, c'est la face invisible, mais de ce qu'on m'a dit, en fait, on fait vraiment des organes en miniature qu'on a à l'intérieur. Et je me demandais des questions... On ne leur met pas du tout d'organes. Enfin, même les divinités qui sont consacrées, elles ont une cache dans le dos qu'on appelle la boîte à viscères. Et dedans, on met un certain nombre de... Source d'Alain et Aro. Voilà, de héros, etc. Mais c'est vraiment considéré en soi comme l'organe principal même de la statue. Ça, c'était ma première question. Mais la réponse, il n'y a pas ça en Inde. Il n'y a pas du tout. Oui. Elles n'ont pas d'organes. Non, on peut mettre des pierres précieuses et choses comme ça, donc il y a des composants, oui. Mais des organes. C'est pas considéré comme des organes. Ça, si tu as les yeux. Ah ben les yeux, on ouvre les yeux, ça c'est un peu. C'est vrai qu'on peut mettre des choses à l'intérieur. Mais non, mais des organes internes. Eux, ils appellent ça vraiment, c'est la cache, littéralement, c'est la cache. Oui, il y a des viscères. Voilà. L'autre question, c'était on entend aussi, enfin, en Chine, pour le taoïste, comme que c'est beaucoup de. On enterre aussi les grands ascètes qui sont considérés comme immortels et donc qui ne doivent pas laisser qu'on les enterre. Mais la raison de ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est la mort apparente des ascètes, pas déranger l'ordre des vivants, parce que c'est problématique de la question de l'immortalité pour le vrai. Et là, dans le cas que vous décrivez, c'est de. Quelle est la raison? Pourquoi on les enterre en fait? Ah oui, ils sont pas morts. Mais pourquoi on les enterre alors? Bah, peut-être que ça poserait des problèmes si on le faisait pas. Mais bon, je plaisante. En fait, alors, je ne suis pas très au courant, mais on les enterre assis. Enfin, on les enterre pas, on les enterre assis. Je crois qu'on met parfois du sel aussi. Parfois on casse la calotte crânienne pour faciliter le passage entre le monde où on ne les voit pas et puis le réveil dans le corps. Il y a deux idées pour lesquelles le mot c'est samadhi, c'est-à-dire c'est une sorte de méditation prolongée. Ouais. Alors, il y a deux points de vue. Ouais. Soit ils sont en effet en état de méditation prolongée, de samadhi, il y a une continuité absolue entre leur état de méditant, comme celui que tu as vu et son petit tuyau, et puis on ne sait pas quand il meurt vraiment, celui-là. Moi, j'avais vu un cas où on versait du lait, en fait, il y avait un petit tuyau, on versait du lait à l'ascète qui était enterré, et puis... le tuyau, il y a un jour où le tuyau est resté rempli, en fait, on voyait, et donc ça voulait dire que l'ascète était mort physiquement, donc on a pu continuer, on a pu verser. Donc il y a eu une continuité entre cet état d'extase, de méditation profonde, et puis et la tombe dans laquelle il est inséré. Et puis il y a aussi, alors ça c'est dans la théorie brahmanique orthodoxe de certaines sectes shivaïtes, les Dasnavi Sanyasi, pour devenir un ascète, un renonçant au sens propre, on éteint les feux du sacrifice qui sont les feux qui correspondent à l'homme qui est dans le monde, à l'homme qui est dans la société. Un homme qui est dans la société, dans cette orthodoxie brahmanique, a toujours un feu allumé sur lequel il offre la nourriture quotidienne des dieux. Donc le renonçant éteint ces feux. Il internalise ce feu, on dit, dans la cérémonie, et donc le feu du foyer, le feu du bûcher est allumé théoriquement avec ce feu du maître de maison. On utilise le feu de l'offrande du maître de maison pour allumer le bûcher. Le renonçant n'ayant plus de feu de maître de maison, il n'y a plus rien pour allumer son bûcher. Ça, c'est l'explication du orthodoxe. Donc, on l'enterre. Mais on les met aussi dans l'eau. Enfin, on enterre certains ascètes et d'autres sont aussi mis dans une espèce de cage de bambou et plongés assis toujours, généralement dans le Gange. Et ils y restent. Ben oui. Enfin, sauf s'ils sont doués pour particulièrement du sang qui les fond. Oui, non, ils sont au fond de l'eau. Non, il n'y a pas de rituel pour récupérer. Non, on leur casse, comme disait Gilles, on leur casse la calotte crânienne, donc avec l'idée que leur souffle s'est exhalé. L'ouverture de puits. Mais ils sont conservés dans leur intégrité, c'est-à-dire que. Absolument. Voilà. Absolument. C'est ça le référent intéressant. C'est un monde sans reliques. C'est un monde sans reliques. Alors, nous sommes à la moutre. Ça contraste très fortement avec le bouddhisme. Mais le bouddhisme, il a coexisté. Mais là, c'est proche de l'islam. C'est beaucoup plus proche de l'islam, où en effet, les tombeaux de saints, enfin, les sanctuaires qui sont établis sur les tombeaux des saints, sont très proches des dargahs. On ferme les ouvertures avant de les brûler. Mais on coupe des petits morceaux. On coupe des petits morceaux du saint commentaire. Ou alors il y a des vêtements, là aussi c'est la même chose, des vêtements, des bols, mais on peut retrouver des morceaux d'ossements, des morceaux de. Alors là on en retrouve aussi, là il arrive qu'on retrouve des morceaux d'ossements d'ascètes enterrés, mais enfin les paysans, parce qu'on les enterre parfois un peu n'importe où, mais les paysans qui trouvent des bouts d'ossements sont en général pas hyper contents. C'est très proche des mauvais esprits dans ces cas-là. Les champs de crémation sont des lieux de très souvent. Tu avais une troisième question. La troisième question, c'était par rapport à la bipolarité que tu faisais entre la jouissance et Non, c'est complètement co-présent, d'une part, au point de vue historique, les deux sont concomitants aussi. Et d'autre part, comme Gilles le suggère, il y a Shiva qui est l'archétype de l'ascète érotique. Et Shiva est à la fois le dieu de l'ascèse, le grand yogin, le maître du tapas, etc. Et c'est aussi l'ascète érotique par excellence, le maître de la jouissance. Donc Shiva est une personnalité divine extrêmement fascinante parce que Shiva réunit en lui vraiment tout ce qu'il peut y avoir de plus divers dans les conceptions religieuses indiennes. Et Shiva est un ascète transgressif aussi. Shiva est à la fois un dieu qu'on honore dans les temples, donc parfaitement orthodoxe, et c'est aussi quelqu'un qui se promène avec le cadavre de son épouse sur les épaules, avec la forme de Bhairav, il a un crâne à la main. Et d'ailleurs, son beau-père, lorsque son épouse, qui elle a fait énormément d'austérité pour conquérir Shiva, pour en faire son époux, lorsque Shiva, qui est donc devenu le mari de Parvati, se rend auprès de son beau-père qui organise un grand sacrifice, il est vêtu de peau de bête, il a les serpents autour du cou, ses cheveux sont hérissés, c'est une image d'épouvante. Et bien évidemment, Daksha, son beau-père, le chasse de son sacrifice comme étant un dieu sauvage, un dieu absolument pas orthodoxe, un dieu non brahmanique. Et Shiva se venge en détruisant le sacrifice de Daksha. Là aussi, c'est un thème mythologique extrêmement connu et souvent représenté. Donc, une polarité où Shiva se présente parfois comme étant vraiment un dieu auquel on rend un hommage normal, si je puis dire, et puis le dieu complètement hors norme de la sauvagerie de l'extérieur et de la jouissance comme de la cesse. Donc dans les assets vivants, il n'y a pas de... Alors, dans les assets vivants... Il n'y a pas de valorisation, de... Alors, les assets vivants, je veux dire, d'abord, une chose, c'est que les assets vivants... Les assets dont je parlais, avec le bras en l'air, etc., sont très visibles. En général, les gens qui le font se montrent. On les voit. Oui, non, certains sont assez discrets, mais ils ne se cachent pas, disons. Moi, j'ai vu un vieillard qui était sur une espèce de... qui avait le fait le vœu d'avoir toujours le bras... qui avait le fait le vœu de jamais s'asseoir, qui était sur une espèce de tablette, avec toujours debout, appuyé sur sa tablette, et qui prenait les bus et les trains comme ça, appuyé sur sa tablette, en accrochant des systèmes pour pouvoir réussir à rester debout. Mais les ascètes qui, eux, sont dans des pratiques tantriques... comme je le disais pour ces groupes qui, eux, ne sont pas des ascètes, qui sont des villageois du Gujarat ou du Rajasthan, ce sont des choses dont on entend parler, sauf à Kamakhya. Mais, bon, alors, il y a, bon, en général, les pratiques tantriques de ce genre, transgressives, éminemment sexuelle ou encore pratiquer, mais j'en ai pas parlé, mais sur des cadavres, vous avez tout un ensemble de techniques tantriques qui se pratiquent aussi sur des corps morts, sur des cadavres, dans des cimetières, etc. Bon, ça, c'est pas étalé au grand jour en général, ça se fait de façon relativement discrète, sauf dans certains temples comme Kamakhya en Assam ou Tarapit, où vous avez des ascètes tantriques qui ont en effet tout autour, enfin, qui ont des petits hôtels, des petites tentes dans lesquelles ils sont, et ils ont par exemple une quinzaine de crânes. Vous avez une photo dans le livre, je crois, il me semble qu'il y a une photo. Où vous avez des crânes tout autour, et donc ils ont leur pratique transgressive à partir de ces crânes qu'ils montrent. Mais ils sont considérés, enfin, il faut voir que notamment par la société, ils sont considérés avec un mélange de curiosité, d'extrême curiosité de la part des gens normaux, entre guillemets, de crainte totale. On fait très attention quand même. Il ne faut surtout pas mécontenter quelqu'un dont on pense qu'il peut avoir ce genre de pouvoir. Donc, je ne sais pas, une hiérarchie. C'est des domaines qui sont différents ou qui se recoupent dans certains cas, mais ils ne sont pas hiérarchiques. Il faut dire, alors, on peut ajouter aussi que des pratiques d'ascèse, enfin de discipline du corps, etc., j'en ai parlé pour les jeunes, c'est pratiqué par tout un chacun. Hein. Tous les gens, toutes les familles indiennes, hindoues, ont des jours de jeûne, ont des vœux particuliers où il ne faut pas manger telle ou telle chose, etc. Donc ça, c'est aussi... Des périodes. Enfin, ça, c'est pratiqué par les Indiens dans le monde normal. Bien, écoutez, merci beaucoup. Nicolas... il y a encore des questions. Pardon, j'ai pas dit. Si le corps ne laisse pas de reliques, qu'en est-il des cheveux? Je ne connais pas trop chez les ascètes. Quand tu les coupes ou bien quand ils sont morts? Quand ils sont morts, justement. Parce qu'au Tibet, par exemple, les cheveux font partie des reliques d'une part, très fréquemment, mais aussi concentrent, en attendant la mort, les pratiques et les initiations reçues par l'ascète, en fait. Donc est-ce qu'il y a un traitement là spécifique ou est-ce qu'on est enterré avec ses cheveux? Il est enterré avec... Enfin, les cheveux sont... Il y a des techniques assez contradictoires sur les cheveux parce que les ascètes peuvent aussi bien le crâne totalement rasé que les cheveux hirsutes. Alors en général, disons que les ascètes qui sont le plus sauvages, entre guillemets, qui sont itinérants, solitaires, etc., ont des cheveux non dressés, enfin ont des cheveux désordre. Et que dans les monastères, les ascètes qui vivent davantage dans la société, qui sont au contact avec les autres, ont des cheveux, la plupart du temps, rasés. Mais alors le passage aussi des cheveux longs au rasage correspond à certains vœux, à certains moments spécifiques. Enfin, il y a tout un ensemble de croyances et de moments autour de ce jeu des cheveux. Mais on ne croit pas particulièrement que les cheveux aient quelque chose à voir avec les initiations ou avec où serait le réceptacle, par exemple, de certains pouvoirs, des ascètes ou de certaines forces. Enfin, à ma connaissance, je ne vois pas une valorisation particulière du cheveu en tant que tel comme réceptacle de quelque chose. Pour préciser, les possédés en général ont les cheveux longs. Oui, et si on coupe les cheveux, ça peut compromettre leur crédibilité. Ça, c'est une chose. Il y a aussi une opposition de type structurel assez marquée entre cheveux noués et cheveux dénoués quand ils sont longs. Une femme cheveux noués, par exemple au Kerala, c'est la femme en situation ordinaire. Quand les cheveux sont dénoués, c'est qu'il y a des. Bon, ça on les dénoue au moment de la possession, par exemple. Donc il y a des règles comme ça. Par contre, ça n'en fait pas des reliques. C'est-à-dire, comme le dit Véronique, si pour un vœu, on offre ses cheveux à un temple, les cheveux sont offerts et puis ils circulent, ça va faire un postiche un peu ils plus sont tard. En Israël. C'est vendu, pas seulement en Israël. Mais il n'y a pas une vertu particulière attachée aux cheveux. Il y a un scandale autour des cheveux. Une autre question, ces ascètes qui sont enterrés et donc qui n'ont pas de reliques officielles, mais est-ce que ces tombes, enfin il y a quand même une tombe, est-ce qu'on sauvegarde la tombe ou est-ce qu'on peut être un temple, ça peut devenir un temple. Ça dépend du statut en fait de celui qui est enterré là. Quand ce sont des grands saints, des grands personnages qui sont reconnus comme étant particulièrement saints ou ayant particulièrement des pouvoirs, leur tombe devient le lieu, en effet, un lieu de dévotion, un lieu de culte, et ils deviennent des intercesseurs. On pense aussi, quelque part, qu'ils sont toujours vivants là, donc ils peuvent faire quelque chose pour toi. Par contre... Mais sans trace de la personne, en fait. Oui. Bon, est-ce qu'on met une pierre On construit quelque chose. On construit en général un Shivalinga pour les Shivaïtes. Enfin, on construit quelque chose et ça devient souvent, ce qui est aussi très paradoxal en Inde, ça devient le centre d'un monastère. Alors que théoriquement, la mort, enfin, un corps mort au cœur d'un endroit sacré, dans les conceptions hindoues des choses, c'est là aussi quelque chose d'assez subversif. Donc, dans les monastères, il y a le corps du fondateur, enfin, du moins dans ce que j'ai vu, le corps du fondateur est au cœur du monastère, qui est le cœur du monastère, et dans le monastère même, il y a les tombes des autres ascètes qui sont là, et il y a une coprésence, en fait, des vivants et des morts qui sont là. Donc, finalement, très proche du bouddhisme, c'est pas si éloigné. Ils font souvent en Tibet des stupas autour, enfin, ça, c'est la même. Pas autour d'un bouddha, en tout cas. Sauf un bout d'os ou d'une dent. Ah oui, on ne peut pas partager tout ça. Quoi. Le corps, il est. Oui, mais ça, au Tibet, il faut que ce soit un corps vivant, entre guillemets. Mais on en parle. Non, mais il y a des grands saints qui ont aussi ces cultures. Ah oui. Là, ils peuvent avoir plusieurs corps. Oui, on peut transférer leur pouvoir. Moi, j'ai eu le cas d'un ancêtre de lignée qui avait commencé une lignée de possédés institutionnels. Il avait sa tombe à un endroit, et puis à un autre endroit, on disait qu'on avait transféré son pouvoir. Donc on avait construit une tombe, mais celle-là, elle était vide, mais il y avait son pouvoir. Ouais. Bon, on se fait une petite pause de 10 minutes, vous êtes d'accord ? Merci beaucoup. On reprend. On a pris beaucoup de temps, désolé. En fait, bon, disons qu'il va y avoir l'islam, et pour ce qui est du corps, effectivement, le schisme a ses particularités, et puis aussi le soufisme. Bon, alors, et donc le soufisme existe surtout en fait dans le sunnisme, un peu moins dans le chiisme parce qu'en fait ils ont moins besoin dans la mesure ils sont déjà très ésotériques et que justement le chiisme a plus de corps, plus de chair. Voilà. Donc, disons que je vais parler un peu des trois. Sur le soufisme, moi j'ai fait très peu de terrain et c'est vraiment pas mon domaine, mais je crois que là il faudrait effectivement approfondir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc en tout cas la première constatation c'est que l'islam est très comparable à d'autres religions dès qu'on parle de la question du corps. Comme dans le christianisme, on constate une tension entre corps réprimé et corps exalté. Comme je crois dans le judaïsme, une focalisation sur la question de la pureté et de la purification. Je vais commencer par essayer de voir comment l'islam, comment les doctrines construisent le corps. Et d'abord d'un point de vue théologique et dans le Coran, comment le Coran parle du corps humain. Alors en fait il y a trois mots pour le désigner dans le Coran, qui renvoie à trois manières d'envisager le corps humain. Ces trois mots sont badal, qui renvoie à une partie inerte qui est opposée à nefs ou à ourur, c'est-à-dire à l'âme. Et donc, pour les philosophes, badal, c'est le corps qui va être animé par l'âme. Ensuite, on a le jism, c'est-à-dire l'enveloppe extérieure. Et puis surtout, celui qui le terme qui revient le plus et qui est en fait utilisé de nos jours couramment pour dire corps, c'est jasad. Et c'est donc le corps organique. Bon, par ailleurs, il y a beaucoup de références dans le Coran à des parties du corps. Ça, c'est pour le corps humain. Maintenant, on a aussi en fait la question du corps de Dieu, qui pose... le corps de Dieu. Alors, Dieu est transcendant, et évidemment, on ne peut pas le représenter, on ne peut pas le concevoir, enfin, il est inimaginable, mais quand même, dans le Coran, il y a des expressions comme la main de Dieu, le pied de Dieu, le trône divin, le visage, etc. Et donc là, on a deux réactions très différentes. Les littéralistes prennent le texte donc au pied de la lettre, forcément, par exemple les Ranbalites, et estiment qu'il s'agit effectivement d'accord. Et les autres, bien sûr une métaphore, par exemple la main de Dieu, ça va être une manière de parler du pouvoir divin, ou bien l'œil de Dieu, du fait qu'il sait tout, voilà. Alors, pour revenir au corps humain, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, ensuite, à part le point de vue théologique, ce qui est important, c'est le point de vue juridique, donc ce qu'il y a dans la charia. Alors, ce que ça dit, surtout, c'est que le corps, il faut en cacher une partie. Et il y a différents termes pour désigner ces parties honteuses qu'il faut cacher. J'en ai choisi un, parce que c'est celui que j'entends le plus sur le terrain, où je lis le plus dans mes textes. Donc c'est le mot « aula », qui désigne les parties du corps que l'on doit cacher, couvrir, voiler par pudeur. La pudeur étant une obligation, une obligation légale. Dans le droit islamique, il faut respecter la pudeur. Et alors tout ça, évidemment, pour ne pas attiser les passions. Et le terme « aura » vient d'un verbe qui veut dire « être nu ». Donc bien sûr, on voit que cette nudité, elle est socialement construite et puis ensuite ressentie. Et ça, on le voit très bien avec le port du voile pour les femmes. Parce que, par exemple, une femme peut être, et là je cite, « habillée mais nue », selon un hadith, et c'est repris par un savant du XIVe siècle, Ibn Taymiyyah, qui est très, très cité par les fondamentalistes, notamment dans les salafistes, pour critiquer les femmes qui aujourd'hui portent un foulard, mais par ailleurs ont un pantalon serré, des vêtements très soir le corps. Voilà, donc elles sont habillées, mais nues. Donc là, j'ai cité un hadith. Les hadiths sont très nombreux sur le corps. Comme souvent, ils sont aussi très contradictoires. Donc, je n'ai pas cherché à faire de liste, enfin, parce que c'est vraiment trop compliqué. Puis on trouverait tout et son contraire. Oui. Bon, enfin, tout ce qui se rapporte au corps est bien sûr régi par le... Enfin, pas tout, mais une bonne partie, et surtout ce qui concerne la nudité, est régi par le droit islamique. Donc, qui s'appuie sur le Coran et sur de nombreux hadiths. Parmi les hadiths, disons, un peu extrêmes, bon, je vais quand même en citer un, et qui concerne justement les parties qu'il faut cacher. C'est « Si un homme regarde les parties intimes de son épouse, il peut devenir aveugle. » Donc, j'ai trouvé ce hadith avec un démenti d'une autorité religieuse qui répond « Non, c'est pas vrai. Ce hadith est forgé. » Donc, pour abréger, on pourrait vraiment se perdre dans la casuistique et dans les arguties entre autorité religieuse qui s'accordent quand même sur certains principes de base, mais pas dans les détails, sur ce qu'il faut cacher, ce qu'on doit cacher et ce que l'on peut montrer. Alors, donc schématiquement, pour les hommes et pour les femmes, c'est différent. En temps normal et en temps pendant l'observance de rituels, c'est différent aussi, hein, notamment pour la prière et pour le pèlerinage à la Mecque. Donc, mais en gros, disons que l'homme doit être couvert du nombril au genou et que la femme doit couvrir tout son corps, sauf le visage et les mains. Et pour certains, les pieds. C'est-à-dire, parfois, pour montrer les pieds, ça dépend des écoles juridiques. Elle devra se couvrir de la même façon en temps normal, c'est-à-dire pas seulement pendant le rituel, devant un homme qui est considéré comme un étranger, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des gens qui lui est interdit d'épouser, donc de la famille. Elle peut moins se couvrir devant une femme, et encore moins devant une femme musulmane, où là, elle redevient comme un homme, j'allais dire, c'est-à-dire où elle peut se couvrir seulement entre le nombril et les genoux. Alors après, il y a beaucoup de discussions. Voilà, tout le monde le sait, c'est tout ce qui se rapporte au voile. Mais il y a aussi des discussions sur ce qu'il faut couvrir, jusqu'où couvrir les jambes. Et là, pour les hommes et pour les femmes. Et souvent, pour les femmes, il faut que les vêtements traînent. C'est pour ça qu'on voit ces femmes, quand elles sont voilées, effectivement, elles ont des espèces de traînes. Et bon, évidemment, ça, c'est par précaution pour ne pas qu'on voit leurs chevilles. Alors, en fait, les auteurs qui travaillent sur l'islam ont longtemps considéré le corps surtout comme le lieu de l'interdit, d'une part, ou bien comme le lieu de plaisir, mais là c'est pas en regardant l'islam, c'est plutôt en se plaçant du côté de la supposée tradition arabe, notamment les Médinis, qui ne sont d'ailleurs pas de tradition arabe à la base. Bon, ces représentations persistent dans une littérature de vulgarisation, bien sûr, mais parfois même et en réponse et en réaction dans une littérature plus scientifique. Je me réfère par exemple à un ouvrage de Frédéric Lagrange, qui est un arabisant, « Islam des interdits, islam de jouissance ». Donc le corps est caché, contrôlé, et la morale sexuelle est très codifiée. Les questions sur ce qui est licite ou non représentent un pourcentage élevé des demandes de fatwa jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que disent les clercs eux-mêmes. Deux fois, on m'a dit, c'est environ 70% des questions. Ce qui fait quand même beaucoup. Bien sûr, la chasteté est vraiment mise en avant. Mais attention, quand on parle de chasteté en islam, ce n'est pas la même chose que dans le christianisme. C'est vraiment dans le cadre légal islamique. C'est-à-dire que en islam, d'abord le mariage est considéré comme la moitié de la religion, selon un hadith. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui n'est pas marié est sujet à ses passions. Et donc il ne peut pas se concentrer sur autre chose et surtout pas sur les affaires spirituelles. Donc il n'y a que les grands mystiques, justement, qui peuvent être complètement chastes et se détourner des plaisirs de l'existence. Pour les autres, il est recommandé de se marier, donc d'avoir des relations sexuelles, mais évidemment dans le cadre d'un mariage légal islamique, bon, ce qui donne quand même pas mal de possibilités à l'homme, puisqu'il peut épouser jusqu'à 4 femmes, et à l'homme chiite encore plus, puisqu'il peut pratiquer le mariage temporaire. Et avec autant de femmes qu'il souhaite. C'est-à-dire, il fait quasiment ce qu'il veut. En disant que c'est un mariage temporaire. Après, évidemment, ça c'est la loi, mais après, évidemment, c'est la société qui régule tout ça. Tout ça pour dire qu'en fait, ce que prône l'islam, c'est le juste milieu. C'est-à-dire que le plaisir n'est pas considéré comme illicite et il n'est pas mal vu. Le prophète lui-même aimait les femmes, il caressait ses femmes, c'est aussi un hadith. Et en gros, il faut profiter des belles et des bonnes choses que Dieu a créées, mais pas trop. Voilà, donc c'est vraiment le juste milieu qui est mis en valeur. Alors aujourd'hui, il y a de nouvelles questions qui se posent aux fidèles, bon, bien sûr en matière de morale sexuelle, mais aussi en matière de bioéthique, et c'est un rapport au corps notamment, pour ce qui est des dons d'organes par exemple. Et donc les autorités religieuses répondent à ces questions, comme d'autres dans d'autres religions. Donc le corps est caché, contrôlé relativement, et il est purifié. Ça, c'est un autre chapitre important dans le droit islamique, la purification ou l'état de pureté rituelle, qu'on appelle tahara. Et là, je pense qu'on peut effectivement comparer vraiment avec le judaïsme ou d'autres religions. Cet état de tahara, de pureté rituelle, est la condition nécessaire à l'accomplissement de la prière, du jeûne, du pèlerinage, mais aussi, par exemple, pour saisir le Coran. Et bon, cela pour passer de l'état, je dirais, normal à l'état où on se consacre aux affaires spirituelles. La vie du croyant est ponctuée de rites de passage et d'obligations cultuelles qui rythment le temps jusqu'à sa mort. D'abord la circoncision, voire l'excision. Chaque jour, la prière. Une fois par semaine, la prière en assemblée. Une fois par an, le jeûne du Ramadan. Une fois dans la vie, le pèlerinage à la Mecque. Avant tous ces rituels, le corps doit être purifié et pendant ces rituels, le corps est mis à contribution. La purification consiste à éliminer par de l'eau, par de la terre quand on n'a pas d'eau, les impuretés et les souillures, ce sont deux catégories différentes, qui proviennent de certaines humeurs comme le sang, le sperme et autres sécrétions, qui font l'objet du premier chapitre de la plupart des ouvrages de droit islamique. Chapitre qui s'appelle les eaux, donc le Mia. Donc les ouvrages commencent par ça. Alors, ce qui souille aussi, ce sont des éléments extérieurs. Le plus connu, ce sont le chien, le porc, etc. Donc, pour purifier, il faut faire des ablutions. Avec de l'eau. Et tout ça est extrêmement codifié. Durant le pèlerinage à la Mecque, le fidèle se met en état de consécration rituelle, qu'on appelle ihram, c'est-à-dire qu'il fait un lavage rituel, puis il va porter un vêtement spécial, blanc, non cousu pour les hommes, un vêtement qui couvre complètement le corps pour les femmes, qu'il va falloir quitter pour sortir de l'état de sacralisation, et l'homme à ce moment-là se rase ou se coupe les cheveux, se rase complètement la tête ou au moins se coupe les cheveux. Ensuite, pas la barbe. Si, la barbe, non, pas la barbe. Non, les cheveux. Non, on se rase la tête ou bien se coupe les cheveux, se pas tout complètement la tête. Alors ensuite, avant d'être enterré, le corps du mort est lavé, les orifices sont fermés et il est enveloppé d'un linceul blanc. Le corps est donc purifié. Il est aussi contenu et durant les rituels collectifs. Les corps des hommes et des femmes sont séparés afin d'éviter ce qu'on appelle en arabe le frottement. Et Emma Aubin a travaillé là-dessus dans le cadre d'une visite pieuse à un mausolée. Donc, tout cela, c'est un moyen de s'arracher aux passions pour échapper au rang des animaux et pour s'approcher de celui des anges. C'est-à-dire pour juguler l'animalité, pour reprendre une expression de Simon Ben Khela. Le corps est donc un instrument de sève. C'est un acteur dans le rituel, un instrument même, notamment dans la prière. Alors, on a quasiment pas de travaux anthropologiques sur la prière quotidienne, ce qui est quand même très étonnant, mais bon, c'est comme ça. Or, en fait, quand on regarde quelqu'un faire la prière, on voit bien que le corps est vraiment un acteur. Il faut se tenir debout, se prosterner plusieurs fois, lever les bras, tourner la tête à droite, à gauche, etc. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de travaux parce que ce serait vraiment plus intéressant. Par ailleurs, certains acteurs contemporains qui voient en l'islam un vecteur de développement personnel, qui prône la défense de l'environnement, etc., à travers l'islam, envisagent le rôle du corps dans ces rituels d'une manière nouvelle. Et il y a tout un mouvement qui tente à rapprocher, non pas de la gymnastique, évidemment, hein, ça n'a rien à voir, mais pour dire que c'est vraiment une religion qui prône le bien-être et la santé. Voilà, c'est-à-dire que ça va complètement avec l'esprit du temps. Quoi. Alors, ça c'est pour les pratiques obligatoires, communes à toutes les branches de l'islam, et bien sûr, elles proposent des variantes, mais tout ça est quand même commun. Il faut y ajouter des pratiques non obligatoires qui expriment la religiosité dite populaire et sont souvent liées au soufisme, dans le cadre du sunnisme, ou bien au culte des imams et des descendants du prophète dans le cadre du chiisme. Le corps y prend encore plus d'importance et bon, je vais y revenir. Alors, en islam, toujours on part d'un modèle, hein, avec la sunna, qui est celui du prophète. Donc, le corps du prophète est le plus sacré des corps, et de ce modèle prophétique découle celui du saint, du martyr, on est dans les catégories différentes, là, ou bien dans le chiisme de l'imam. Leurs corps font l'objet de traitements particuliers, par exemple pour le martyr, il a des funérailles différentes des autres, il est pur puisqu'il est là aussi considéré comme quelqu'un qui ne meurt pas, et il n'est pas lavé et il est enterré dans ses vêtements. Quant au corps, aux reliques des prophètes, des saints, des imams, ils font l'objet d'un culte. Pour ne citer que celui-là, je parlerai de la tête du troisième imam chiite, Hossein, qui est à la mosquée des Omeyyades à Damas, et qui est représentée véritablement par un turban. Et les pèlerins vont mettre leur tête à eux dans un trou pour regarder celle de Hossein. Bon, et puis bien sûr, on a des cas très connus, comme le poil de barbe du prophète, etc. Par ailleurs, la transmission de la baraka, donc de l'effluve sacré, passe par le corps, par la salive, par l'eau des ablutions, par le souffle, etc. La même chose dans le cadre du chiisme, la transmission de l'imamat d'un imam à l'autre. Ensuite, le corps est marqué. Le prophète Mohammed lui-même est marqué à l'épaule par le sceau de la prophétie. Il est reconnu, à cause de ça, par un moine chrétien, quand il a 15 ans et qu'il va en voyage en caravane. Bon, je ne parlerai pas des scarifications, des tatouages, etc. Plutôt des cicatrices, des pratiques de mortification. Et ça, j'y reviendrai. C'est chez les soufis comme chez les chiites. Puisque donc, le corps, c'est le lieu de l'expérience mystique des soufis. Les différents états mystiques sont ressentis par le corps. Et c'est l'instrument de la religiosité qui met en jeu les sens, particulièrement le toucher d'ailleurs. Les chiites, par exemple, dès qu'ils arrivent dans un mausolée, ils vont toucher la porte déjà du mausolée et ensuite la chasse. Et ils vont toucher, embrasser, enfin, c'est, il faut tout de suite, ils se mettent dans un rapport très concret avec l'imam ou le saint. Donc, les sens, les émotions, l'esthétique, bien sûr, avec des formes, des sons. Et puis, cela peut aller jusqu'à la danse avec ce qu'on connaît comme les derviches tourneurs, les maulawiyas, inspirés par Rumi. et puis par la transe aussi, dans certains cas. Donc, dans le soufisme, le corps participe aux séances de zikr. Il se balance en rythme de plus en plus fort en répétant, l'adepte répète le nom de Dieu, donc Allah, Allah. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un travail sur le souffle. Et ce travail sur le souffle, je le retrouve dans des rituels chiites, lors des processions de Ashura, puisque les adeptes scandent le nom de Ali, mais justement, comme Ali, ça ne marche pas, ils vont dire Haïda, ce qui justement entraîne un travail, entraîne autre chose. Et les femmes aussi, même dans les séances où elles sont entre elles, hein, parce que c'est pas question de se mélanger avec les hommes, elles émettent des sons, des cris dans un souffle en fait. Et ce, comme pour libérer l'énergie, et aussi éventuellement pour parvenir à une transe légère. Donc il y a trois éléments qui se dégagent, le souffle, le rythme et la gestuelle. Donc je pense que là aussi, on pourrait peut-être, ça pourrait être une manière de faire des comparaisons. Alors, il y a des rituels spécifiques aux chiites, donc on appelle les rituels de Ashura, où ils commémorent le martyr du troisième imam, Hossein, et durant lesquels ils se frappent la poitrine, donc soit dans des séances, et là ils sont assis, soit dans des processions, ils avancent, ils marchent, et ça donne lieu à un déploiement de gestuels qui sont variés dans leur subtilité, en frappant plus ou moins fort, en lançant les bras plus ou moins haut et en faisant des angles différents. Ainsi se sont développées des manières de faire, de produire ce geste qu'on appelle l'atam ou l'atmiyat. Chaque localité, du Moyen-Orient jusqu'en Inde, se vante de sa propre manière de faire, d'avoir une manière de faire à elle, originale, unique, qui peut éventuellement être identifiable. Et effectivement, quand on regarde bien, quand on a l'habitude, on peut dire « Ah, mais ça, ça vient de celle-là. » En outre, ces frappes sur les poitrines, faisant caisse de résonance, produisent des sons qui rythment les chants. Alors souvent, les poitrines des hommes sont nues, évidemment. Celles des femmes, c'est hors de question. Des enregistrements de ces séances circulent. On les appelle les latmiyats. À l'écoute, on reconnaît immédiatement le rythme et l'auditeur est plongé tout de suite dans l'univers de Ashura, de la bataille de Karbala, du martyr de Hossein. Aujourd'hui, ces enregistrements utilisent aussi des boîtes à rythme électroniques qui reproduisent le son des frappes sur les poitrines. Et donc, en fait, là, on a les corps qui sont suggérés par le son et refabriqués, quoi. Alors, il y a aussi des pratiques de mortification durant ces rituels de Ashura. Bon, il y en a dans le soufisme, mais je n'en parlerai pas. Donc, ces pratiques ont voyagé entre les régions chiites et elles ont emprunté aux traditions locales. Il y a différentes techniques qui se sont plus ou moins implantées et développées en fonction du lieu. Donc la scarification du crâne, l'utilisation de lames de couteau, d'épées, de rasoir ou bien de chaînes sur la poitrine ou dans le dos. L'objectif des fidèles est d'exprimer leur chagrin, leur douleur et leur empathie avec le martyr de Hossein et de signifier qu'ils sont prêts à mourir pour lui. Ça, c'est leur discours. Certains se limitent à se frapper la poitrine de manière plus ou moins accentuée, ce qui fait peu à peu rougir la peau. Et le fait de rougir la peau quand on frappe dessus, c'est quelque chose qui est codifié dans le droit islamique, notamment quand on frappe sa femme. Il ne faut pas faire trop rougir la peau. Enfin, ça veut dire qu'il ne faut pas frapper trop fort. D'autres utilisent des instruments pour provoquer une blessure ou une entaille afin de verser leur sang. Et le sang coule donc dans des lieux qui sont des lieux de culte qui s'appellent Hoseinya, qui sont spécialement conçus pour ces rituels, autour des mausolées et dans les rues, bien sûr. Depuis le début du XXe siècle, ces pratiques ont fait l'objet d'interdictions de la part de certaines autorités religieuses qui ont été plus ou moins suivies des faits. En Iran, par exemple, aujourd'hui, c'est interdit. Là, il y a des effets parce que, comme c'est un État islamique, il y a aussi la police pour faire respecter. Sinon, si c'est juste une autorité religieuse, les gens, finalement, font ce qu'ils veulent. Donc, certains se frappent, même si leur autorité religieuse leur dit de ne pas le faire. Et là-dessus, il y a une anecdote qui est sans cesse répétée dans tous les mondes chiites, c'est qu'un jour, des gens sont allés voir une autorité religieuse en Iran, Bourgerdi, et lui ont dit, mais nous, on veut se frapper, et toi, tu interdis de le faire, alors on t'écoute 364 jours de l'année, mais pas celui-là. Alors, le principe, pourquoi c'est interdit? Parce qu'il est interdit de se faire du mal en islam. Et c'est donc ce qui est mis en avant par ceux qui veulent réformer. Mais ceux qui ne sont pas d'accord vont répondre, mais ils ne se font pas de mal. Et c'est leur discours, bien évidemment, hein, assez fidèle. Eux se disent qu'ils ne sentent pas la douleur. Alors, dans cette histoire, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est le statut du sang, parce qu'ici, il n'est pas impur. Ça ne pose pas de problème de voir des gens qui font couler leur sang, et puis, donc, ils revêtent un linceul blanc, et à la fin, donc, le linceul est maculé de sang. Et quand la procession est terminée et qu'ils arrêtent de se frapper, ils prennent le linceul, ils le jettent à la poubelle, puis c'est fini. Et eux-mêmes rentrent chez eux, ils se lavent, et il n'y a pas d'autre forme de procès, si on peut dire. Bon, cela dit, le sang normalement n'entre pas dans les mausolées, mais dans les Hoseinyas, donc qui sont quand même des lieux de culte, oui, il y a des flots de sang. Alors, ce n'est pas exprimé comme une douleur, puisque le pénitent est sous la protection, fait ça pour Hossein, pour se rapprocher de lui, donc il est sous la protection de Hossein. Et d'ailleurs, j'ai assisté à une marche sur le feu qui était faite par des Irakiens à Londres, mais qui ont été influencés par des chiites pakistanais. Et il y avait même des enfants, et j'entendais les enfants, parce que quand même les enfants, ils avaient un peu peur, et ils disaient, non, t'inquiète pas, tu dis, il y a Hossein, et puis t'as plus mal. Voilà, et en fait, c'est exactement la même chose pour les adultes. Ce qu'on entend aussi, ce que disent les ceux qui observent ces rituels quand on les pousse, parce que si on les pousse pas, il donne toujours le même discours, c'est pour Hossein, donc je n'ai pas mal, et c'est tout. Et puis, bien sûr, il y a toutes les anecdotes disant qu'il n'y a pas de problème de contamination, il n'y a pas de problème de maladie, d'infection, jamais, alors que, bien sûr, les lames ne sont jamais nettoyées, et que personne ne se fait de mal, personne n'est mort, voilà, quand même, on voit. Il y a des gens qui s'évanouissent, mais c'est tout. Et donc, ce que j'ai entendu, notamment en Inde, parce que c'est là que j'ai pu interroger des hommes qui venaient de faire ces rituels de sang, qui sont quand même assez forts, ils vont assez forts en Inde. Et je leur ai demandé comment ils se sentaient après, et ils m'ont répondu, tous en anglais, parce que je parle anglais, ils m'ont répondu « fresh ». Et ça, je crois que c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il voit ça comme une régénération. Et bon, ces rituels interviennent au début de l'année islamique, donc durant le premier mois de l'année. Donc bon, il y a peut-être ici une piste, c'est-à-dire que, bon, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas forcément des rituels de mortification, comme on peut les les supposés, c'est-à-dire que les chi disent eux-mêmes parfois, parce qu'ils ont, bon, ils sont lettrés, hein, il y a des gens qui lisent et qui lisent même des thèses, et parfois ils disent mais on ne fait pas ça parce qu'on se sent coupable, on n'a rien à expier. Donc en fait, il n'y a ni véritablement expiation et il n'y a pas de jouissance, mais il y a quand même quelque chose comme une libération. Et donc après, évidemment, le fidèle est marqué de cicatrices, et chaque année, il en a plus, évidemment. Donc, qui montre, qui prouve son engagement auprès de Rossel, et puis bien sûr aussi qui montre son courage, sa virilité. Je ne vais pas avoir le temps de parler de la représentation du corps, ou bien si je peux un petit peu, j'ai quelques minutes. Bon, comme vous savez, la licéité de la représentation, en islam en général, a fait l'objet de beaucoup de débats, puisque la représentation figurée d'être vivant est interdite normalement par la loi islamique. Donc c'est ce qui est généralement répondu, mais bon, on voit très bien, et il y a eu quand même des travaux là-dessus, que d'une part ce n'est pas dans le Coran, et que d'autre part, bon, il y a beaucoup de hadiths effectivement qui portent à le croire, mais en même temps, il y a eu des représentations dans la civilisation islamique. Bon, ce qui est surtout interdit, bien sûr, c'est la représentation de personnages sacrés comme Mohammed et sa famille. Donc, je renvoie là-dessus à un ouvrage de Sylviane Naef, « Y a-t-il une question de l'image en islam ?» bon, où elle examine toutes les catégories possibles. Et là, bon, je vais passer. Bon, disons que en fait, ce qui est combattu, c'est le retour... Ce qui constitue la crainte par la représentation, c'est le retour à l'idolâtrie. Et c'est ça ce qui doit être évité. Voilà. Et il ne faut pas que l'image puisse susciter un culte. Voilà. Et d'ailleurs, quand on va rendre ce qu'on appelle une visite pieuse au mausolée d'un saint, il n'est pas question de prier. Il faut séparer. Ce n'est pas un culte. Le culte, il est rendu à Dieu, et ce qu'on demande au saint, c'est son intercession. Alors, le problème de la représentation figurée, c'est surtout la tête. On le voit bien, puisque les censeurs qui se sont attaqués aux miniatures persanes, turques par exemple, leur ont effacé la tête, en général. Bon, alors, dans le cadre du soufisme et comme celui du chiisme, les figures sacrées sont représentées. Donc il y a des images qui sont utilisées pour se recueillir, pour méditer, d'une part, ou bien, pour les chiites, il y a des images pour illustrer la bataille de Karbala. Par ailleurs, ces images aujourd'hui sont très diffusées puisqu'elles peuvent être diffusées sur Internet. Des figures sacrées comme Hossein, comme son demi-frère Abbas sont représentées. Et représentées, je dirais, au goût du jour. C'est-à-dire que quand on regarde des portraits de Ali peints, par exemple, dans des tableaux Qajar, ça a complètement changé aujourd'hui. Il est vraiment, je dirais, à la mode actuelle. Et je trouve que ces représentations se rapprochent d'ailleurs à ce qu'on peut trouver dans d'autres religions, justement. C'est-à-dire un côté très, un peu naïf, avec des couleurs très vives. Naïf. Alors, ce qu'il représente, ce n'est pas l'image, puisqu'il est décrit éventuellement pour certains dans des hadiths, l'imam, mais ce n'est pas tant l'imam que les qualités morales qu'on lui prête. Alors là encore, hein, on manque quand même beaucoup de travaux anthropologiques. Même, enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant, mais d'abord, il n'y a pas d'histoire d'histoire contemporaine hein, sur le XXe siècle, on n'a pas. Et ensuite, je trouve peu de réflexion sur ce que c'est que ces images. Bon, on a aussi des dessins animés, et puis il y a des films sur la vie des figures sacrées de l'islam, hein, du schisme. Bon, il y a le fameux film Le Message, où justement le prophète n'est pas représenté. On ne le voit pas, donc la caméra est subjective. Et elle n'est non plus, alors on voit son épée. Mais ensuite, en Iran, il y a eu des feuilletons et des films qui représentent les figures sacrées. Par ailleurs, il y a aussi des représentations théâtrales qui sont des véritables rituels, qui constituent des véritables rituels. Et donc là aussi, on voit sont représentés par des humains les figures sacrées. Bon, ce qui pose problème, évidemment, à certaines autorités religieuses, mais ce qui est tout à fait admis par d'autres. La question souvent étant, est-ce qu'on voit le visage ou pas? Et là, il y a des réponses très différentes en fonction des autorités. Ça peut être aussi très local. C'est le chef du village qui organise telle pièce, qui va dire si oui ou non, il veut que le visage soit voilé. Et ce, la raison, c'est que, bon, j'ai posé la question, c'est pour garder justement la sacralité et puis pour ne pas que le spectateur qui rencontre ensuite la personne qui a joué, l'acteur qui a joué l'imam ou une autre figure sacrée dans la rue puisse faire un parallèle. C'est pas possible. Voilà. Alors, dernière chose, pendant ces rituels de Ashura, les figures sacrées sont aussi représentées, justement leur corps, ce qui est très curieux, sont représentées par des étendards. Ça, c'est ce qu'on voit ça en Iran, et puis justement en Inde, ça a été transmis en Inde. Et donc les étendards sont gardés toute l'année dans des boîtes en bois, et ils sont sortis pour les cérémonies de Ashura. Et à ce moment-là, donc, on utilise l'étendard comme si c'était l'imam, et l'imam ou le martyr dans la procession. Et puis au bout d'un moment, donc, pendant la procession, l'imam part au champ de bataille, et quand il revient, il est mort. Et on le remet dans une boîte, jusqu'à l'année prochaine. Voilà. J'ai un peu dépassé la demi-heure. Voilà, bon, j'ai soulevé des questions très différentes, et puis je pense que je n'ai pas non plus fait le tour de la question. Non, c'est vrai, je crois qu'aucun de nous ne peut prétendre couvrir tout le sujet. Et on se donne un peu de temps pour la question. Est-ce que tu peux juste simplement dire un petit peu plus, parce que je n'ai pas bien compris au moment où tu l'as dit, sur le mariage temporaire. Ah oui. C'est une spécificité chiite qui existait en fait au tout début de l'islam et qui était pratiquée par le prophète, comme par tout le monde hein, à l'époque, et puis qui a disparu dans le droit islamique sunnite et qui restait chez les chiites. Donc il s'agit d'un mariage qui doit avoir qui est très réduit en termes de contrat, parce que le mariage est un contrat dans l'islam, c'est très réduit. Ce qu'on doit dire, c'est simplement une formule, et puis on doit donner une période. Voilà. C'est-à-dire que c'est un mariage qui n'est pas un mariage permanent. Il peut être pour 2 jours, pour 1 semaine, pour 1 an, pour 10 ans. Ah oui, oui. C'est très variable. Oui. Mais quelle est sa signification, disons, par rapport à une famille, par exemple? par rapport à une famille, c'est gênant, justement. Ça dérange les familles, ça dérange la société. Mais oui, justement. Mais oui, alors comme ça fait partie de... Comme ça fait partie de, c'est dans la loi islamique, mais dans quel cas que ce n'est pas possible. Dans quel cas est-ce qu'on lui dit? Au départ, c'était tout simplement pour quand les hommes partaient en caravane ou en voyage longtemps. Voilà, d'accord. Il fallait qu'ils puissent assouvir leurs besoins là où ils étaient. Donc voilà, ils prenaient des femmes, ils épousaient des femmes là où ils étaient. Et fait aussi pour donner un statut aux enfants qui Les enfants, du coup, sont des enfants reconnus. Ah, d'accord. Voilà, et qui héritent, voilà, ce qui est important. Mais en revanche, les épouses n'héritent pas. C'était le cas au Kerala aussi. Ah oui, ça existe. Les marchands musulmans se mariaient avec les femmes du Kerala. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça a pris une autre dimension, c'est-à-dire c'est revu, revu par les jeunes, qui en profitent pour en faire un mariage à l'essai. Enfin, quand je dis aujourd'hui, on en parle du mariage à l'essai, j'imagine, quelque chose, dans une revue des années 30, où déjà ils disaient que ça ressemblait à un mariage à l'essai. Ça pose des problèmes à la loi anglaise pour le regroupement familial. Oui, ben oui. Ah, ont-ils droit au regroupement familial? Il y a un rituel, en fait. Il y a un rituel quand même. Oui, mais en même temps, on n'a pas besoin de passer devant un cheikh dans la loi classique, je dirais. Donc, il suffit de dire la formule et que les deux parties soient d'accord. C'est un pax, entre guillemets. Vous êtes témoin. Le pax est une formule juridique. Il n'y a pas besoin de témoin. Il n'y a pas besoin de témoin, non. Là, c'est l'engagement de l'un et de l'autre. Ouais. Devant Dieu. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais il n'y a pas besoin de témoins. Mais l'Iran essaye de convaincre les gens qu'il faut passer au tribunal, justement, pour codifier les choses. Et puis, bon, c'est une pratique islamique, mais c'est très mal vu dans les sociétés, évidemment. Et souvent, c'est fait en secret. C'est-à-dire que faut très bien découvrir qu'un tel a un mariage temporaire et que personne ne le savait dans son entourage. Sur le sang, c'est-à-dire ces flots de sang qui coulent au moment de l'Ashura, oui. Qu'est-ce qu'on dit dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose d'explicité en dehors du fait que c'est la bataille? Est-ce qu'on rejoue la bataille? Est-ce que c'est un sacrifice? Ou il n'y a rien de dit? Puis on fait... Il n'y a rien de dit. On rejoue la bataille quand on fait les pièces. Ouais. Effectivement, il y a même des cavalcades, ils se battent et tout ça. Mais le fait de se... Non, c'est pas ça. Il n'y a vraiment pas de discours. Il n'y a rien. Simplement que ça fait du bien, quoi, qu'on s'en fait après. C'est ça. Mais là, il faut vraiment leur demander, parce que c'est pas... Parce que si... Sinon, c'est pas... Tout ce qu'ils ont à dire, c'est pour se rapprocher de Hossein, c'est pour dire que je suis prêt à mourir, et c'est tout. Oui, ils sont prêts à mourir si... Il faut faire voir le sang, quelque part. Oui, ils sont prêts à mourir si jamais Kerbala devait se reproduire. Et ça, je me demande si c'est pas récent. Si ça date pas de l'islam politique, justement, qui a beaucoup utilisé ces rituels pour mobiliser... Revaloriser le martyr. Et les flots de sang viennent des animaux, viennent de sacrifices. Ah, pas du tout. Mais non, la flagellation, ça donne tellement de flots de sang. C'est-à-dire, la flagellation, pas trop, mais ce qu'on appelle au talbir, c'est s'ouvre la tête. La tête, c'est saignant. D'accord. J'ai pas eu le temps là de détailler, mais il s'ouvre le haut de la tête, et puis ensuite, il défile en possession, en se frappant la tête, soit avec le plat de la main, soit avec le plat d'une épée. Et ça dure, ça dure longtemps. Voilà, ça dure plusieurs heures. Donc ça saigne beaucoup. Oui. Alors après, ça dépend le nombre d'entailles qui est fait, mais ça, c'est le fidèle lui-même qui dit oui, tu vas-y, continue. Non, mais parce que pour moi, des flots de sang, je les voyais un peu courir dans la rue. Ah non, quand je dis des flots de sang, c'est-à-dire que voilà. Oui, non, c'est des flots de sang qui coulent. Oui, sang coule. Non, parce que. Moi, je pensais au sacrifice d'animaux que l'on sacrifie sur la tête des gens. Non, là, non, non. Aussi. Ah, oui, non, ça n'a rien à voir. Raphaël ? Un moment pour évoquer l'importance du mariage. Vous avez souligné que les grands mystiques pouvaient être chastes. Et vous voulais juste savoir si ça voulait dire qu'il pouvait être renonçant ou pas. J'ai entendu un peu un mot à c'est le baptême. Ça voulait dire s'il devait être marié mais chaste à l'intérieur du mariage. Non, comment non, ça non quand on est marié, on ne peut pas être chaste à l'intérieur du mariage. D'accord, parce que là, l'épouse ne serait pas d'accord. Et elle pourrait demander le divorce à cause de ça. C'est ça, le mariage est. C'est la relation. Non, si on est marié, c'est la chasteté. Non, mais en âge, une épouse chaste est une épouse mariée aussi bien, mais elle respecte les vœux du mariage. C'est ça la chasteté. C'est pas la privation. Oui. Non, les mystiques ne se marient pas. Et c'est seulement quand on est un grand mystique qu'on peut supporter le fait, justement. Donc, vous êtes un grand mystique très jeune. Oui. Bah oui, parce qu'en plus, il se marie très jeune, bien sûr. Voilà, non, mais on peut aussi laisser sa femme et partir, ça arrive, laisser sa femme et puis partir et faire ses voyages en quête de science, en quête de savoir, et en quête de sagesse, et à ce moment-là, voilà, force. Et qu'est-ce qu'il en est de la femme quand elle a été laissée comme ça par un mari? Au bout d'un moment, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Mais là, est-ce que justement la référence à la 16 permet de différencier les registres que tu as énoncés en corps purifié et en corps comme instrument du salut? Parce que, je veux dire, on voit quand même bien des registres qui ne sont pas forcément exactement sur le même plan. Le corps purifié, parfait, c'est ce qui est demandé par disons par le rituel commun, et qui n'est pas pour autant une question qui relève de l'instrument du salut. En revanche, dans le cadre de la 16, il y a là une dimension du corps comme médium possible de, je veux dire, de rupture, de virtuosité qui change un petit peu de registre. Mais c'est pas tellement mis en avance. Donc d'ailleurs, en fait, il faudrait faire une enquête tout simplement pour en reprenant. Les césures sont pas très mises en valeur, sur les feuilles de tout ça. Mais si on reprenait les biographies des grands mystiques, je suis pas sûre qu'on trouverait des célibataires. C'est-à-dire que c'est mis en avant quand on veut pour expliquer que l'homme normal ne peut pas supporter cette situation, qu'il a besoin d'assouvir ses passions et ses pulsions pour pouvoir avoir une vie spirituelle qui ne soit pas perturbée. Oui, justement, c'était une autre question que je voulais poser, c'était celle de la poétique du corps. De la poétique du corps en islam, c'est-à-dire. Alors, est-ce que c'est fantasmé du point de vue de l'Occident, mais c'est toute la question de l'efflorescence poétique, de la mise en valeur de la référence au corps, non? Dans une certaine poésie arabo-andalouse. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Alors, est-ce que c'est exceptionnel? C'est ça. Moi, je pensais pas au milieu de nuit, je pensais à. Ibn Hazm, toute la poétique arabo-andalouse du Moyen-Âge. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est un apax, une exception? Non, non. Qui a été fantasmé par l'Occident? Parce que ça irait bien dans le sens de ce que tu dis. Non, ça correspond. C'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que le plaisir n'est pas anti-islamique, si on peut dire. Et le prophète lui-même est un modèle, c'est-à-dire qu'il aimait les femmes, il en avait quand même pas mal. Lui, il en a mis plus que quatre. On trouve bien des hadiths qui racontent l'amour du prophète pour ses femmes, notamment pour Aïcha, qui avait 9 ans quand il l'a épousée. Le plaisir n'est pas mal vu. Non c'est une relecture très rationnelle de l'islam qui va et actuelle qui va se mettre contre le plaisir. Mais ça, c'est, je dirais, moderne. C'est récent. Mais tu sais que ça a fait fantasmer l'Occident, justement. Oui, le paradis de la Oui. C'est-à-dire, au Moyen-Âge, ils ont complètement disjoncté. Et puis, à l'époque romantique, tu sais, dans Les Misérables, il y a un passage où on dit il y a du bon chez Mahon. Il y a du bon chez Mahon, c'est ça. Hein, c'est les étudiants, je ne sais plus à quel moment ça se passe. Bon, alors, ça, c'est vraiment l'Orient, une espèce de conception orientaliste. Quand au Moyen-Âge, ça fait péter, ça fait péter les plombs. Ce paradis d'Allah, où on copule en permanence. Mais, oui, alors je reviens sur ce que tu disais parce que ça me fait vraiment réfléchir. Le corps reste comme instrument de salut, c'est-à-dire que dans ces pratiques où le corps intervient, où le corps est acteur, on se rapproche de Rosseil. En se rapprochant de Rosseil, on se rapproche de Dieu. Tu vois, dans le chiisme. Oui, d'accord. Mais alors là où il y a une dimension qui est celle de la dimension martyriale. Ah, martyriale. Oui. En tout cas, de la mortification. Oui. C'est-à-dire que le corps, c'est un instrument utilisé comme tu dis, donc, le rapprochement de lui. Mais il n'y a pas de discours de souffrance. En fait, c'est pas la mortification. Mais il n'y a pas de... Je pense que plutôt que le martyr, ce qu'il faut voir là, plutôt, c'est plutôt l'imitation. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'on reproduit on reproduit finalement le martyr du prophète. Oui, c'est ça. Hein, ou de Hussein. C'est bien qu'on rejoue la scène de Karbala, donc pas par l'esprit de mortification, par l'identification. Oui, par l'identification. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser et à ce qui est souvent écrit, il n'y a pas de douleur. On dit souvent les chiites, c'est une tradition dolorine. Alors, c'est vrai qu'ils pleurent. Je n'ai pas parlé des pleurs, mais bon, ça, ils pleurent, ça, c'est sûr, ils pleurent énormément. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils disent des pleurs? C'est que ça fait du bien. On a beaucoup pleuré, c'est formidable, je me sens beaucoup mieux. Voilà, c'est ça ce que j'entends quand je les oblige à me dire, parce que sinon, c'est oui, on pleure pour eux, c'est terrible. Et en fait, pas du tout, ils se sentent très bien après. Non, mais c'est quand même la culture méditerranéenne en général, on pleure tout le temps, chaque fois qu'il y a une perte. Bon, ben, en l'occurrence, c'est un rituel qui se reproduit. Enfin. Enfin, les chiites, ils pleurent. Les pleurs, c'est tout. Ils entrent dans un mausolée, ils pleurent. Oui, c'est ça. C'est tout de suite. Donc, les larmes sont importantes, j'en ai pas parlé. Parce que, alors, il y a justement, les larmes, bon, on considère comme des larmes de chagrin. Bon, je trouve, n'en sont pas tant que ça. Et puis, il y a les larmes de par piété, donc par crainte de Dieu. Ah oui, ça. Bien, je pense que dans la discussion qu'on pourra avoir, si on a encore le temps, après mon propre intervention, il y aura des choses... Ils se rejoignent quand même. Voilà. Et on va aller pas très très loin maintenant de ce qu'on entend, enfin, pas très très non plus, mais en fait, on va quand même retrouver un certain nombre de choses qui se rapportent donc, la place du corps dans le judaïsme. Alors, j'ai intitulé ce exposé, si on peut parler de titre, de lieu de témoignage et d'affirmation. Et j'envisagerai trois aspects. Donc j'évoquerai quelques textes, je ne m'étendrai pas très longtemps, donc en tout cas pour donner quelques repères scripturaires. Ensuite, les pratiques, en tout cas un échantillon de pratiques, ça n'a pas de prétention exhaustive, bien évidemment. Et puis ensuite, peut-être une partie plus longue, si j'en ai le temps, sur la question des représentations. Et parce que je pense que là, il y a un corpus très très riche qui s'offre à nous, et ce serait dommage de ne pas en profiter. Alors, je précise tout de suite que je reprends dans cet exposé des éléments d'un chapitre du livre que je viens de sortir sur les lieux du judaïsme. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été en partie, enfin, qui a été publié, que je retravaillerai évidemment ensuite pour une notice éventuelle dans le cadre du dictionnaire. Alors, on peut commencer par dire que parmi bien d'autres choses, le judaïsme est une histoire de corps, une histoire de corps physique et de corps social, à la mesure où il sollicite le ventre des femmes, il scelle son pacte d'alliance dans la chair des hommes, il se perpétue avec la descendance promise à Abraham. Autrement dit, le judaïsme s'incarne dans des personnes physiques dont la communauté fait peuple. Alors comment ce corps devient-il lieu de témoignage et d'affirmation du judaïsme ? Chez les juifs, comme ailleurs d'ailleurs, autant que de naissance, le passage de l'état biologique à celui de culture est affaire de socialisation, d'éducation, de pratique, de volonté, d'opiniâtreté, voire de résistance. C'est une affaire d'habitus, de rite, de croire, donc toute chose où le corps tient une place et un rôle de premier plan. On est NAIT, juif. Et il suffit pour cela de sortir des entrailles d'une femme juive. Ce sont bien, et cela, bien des juifs se satisfont déjà de ce premier postulat, de ce premier constat. Mais pour être juif de façon active, pour le devenir, l'expérience montre, et la tradition enseigne, que d'autres gestes sont requis, la fabrication de générations juives ne pouvant s'en remettre au seul hasard de la naissance. Et c'est la raison pour laquelle on peut devenir juif par la conversion, comme l'illustre l'exemple biblique de Ruth, la Moabite, qui est la convertie paradigmatique du judaïsme. Et on sait que l'engagement exemplaire de Ruth, qui fait vœu d'allégeance auprès de sa belle-mère Noémie, constituera donc, encore une fois, le paradigme même de la convertie, à tel point que cette conversion a valeur exemplaire dans la mesure où le fils qui naîtra de l'union de Ruth après son alliance, avec son union avec Boaz, le parent de Noémie, non, ne sera autre que le grand-père du roi David. Rien ne s'oppose donc à ce que la lignée messianique et que la lignée royale en même temps soient issues du corps d'une convertie. Donc on voit qu'il y a là quelque chose de très, très fort dans cette affaire. Mais d'autres épisodes bibliques, pourtant, viennent obscurcir cette belle histoire de filiation spirituelle et non plus biologique. Et on serait même fondé à penser que le récit de cette, ce qu'on appelle une success story familiale, ce récit trouve sa place dans le corpus canonique, précisément pour réparer d'autres histoires de famille que l'on rencontre dans la Bible et qui sont moins édifiantes, dirais-je. Des histoires où le corps des femmes, d'ailleurs, n'est pas seul en cause. Car le corps et la semence des hommes peuvent tout autant défier l'ordre des choses, jeter le trouble, devenir source de transgression. Ils peuvent être cause de dépravation, de lutte fratricide, d'inceste, d'adultère et de bien d'autres maux encore. Il en va ainsi du corps dénudé de Noé, dans le récit de la Genèse, qui est découvert puis recouvert par ses fils. Il en va ainsi de la semence de Lot, que ses deux filles n'hésitent pas à se partager afin d'assurer une descendance de l'humanité qu'elle croit menacée de disparition. Et on notera au passage que les noms de ces filles incestueuses ne sont pas cités. Souci de discrétion ou marque de mépris, la question reste ouverte. Enfin, elles sont anonymes dans la Bible. Alors, autre affaire de corps, autre affaire de famille, de sexe et de semences, autre affaire de transgression des conventions, et toujours pour la bonne cause, bien évidemment, c'est l'épisode de Tamar, la belle-fille de Judas, qui est rapportée en Genèse 38. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'épisode, il suffit d'aller voir, mais c'est encore une belle histoire. Ou encore l'aventure de Joseph, qui, avant de devenir un grand d'Égypte, connaîtra les geôles du Pharaon, et cela pour l'affaire de corps et de sexe encore, après avoir été faussement accusé de viol par une femme ivre de vengeance, aux avances de laquelle il aurait refusé de répondre. Or, le destin a fait en sorte que cette femme humiliée, qui est anonyme elle aussi, puisqu'elle n'est connue dans la Bible uniquement en tant qu'épouse de Potiphar, donc soit précisément l'épouse d'un homme puissant proche de la cour de Pharaon, et on connaît la suite qui fera la fortune de Joseph. Alors s'il fallait établir la liste de ces histoires de famille, de corps, de sexe, de ruse, de trahison qui parcourent la Bible, on n'en finirait pas. Bon. Ce qui ne doit pas nous empêcher d'apprécier ces textes et de les prendre pour ce qu'ils sont, à savoir de grands classiques. Comment ces récits, qui sont venus d'une antiquité lointaine, parviennent-ils aujourd'hui encore à nous parler, à nous émouvoir, à nous toucher? C'est sans doute précisément et entre autres raison parce qu'ils osent intégrer la part charnelle des hommes et des femmes qu'ils font vivre, qu'ils font agir, qu'ils font ouvrir sous nos yeux. En donnant à voir combien ces corps, précisément parce qu'ils sont chargés d'affect, en viennent à être des objets de désir et d'amour, autant que de dégoût et de rivalité, en dissimulant rien de la vulnérabilité de ces corps, ils parviennent à créer l'illusion d'une présence palpable, une réelle proximité, d'une commune humanité entre ces héros d'un autre monde et commun des mortels. Autrement dit, il y a possibilité de s'identifier à ces personnages qui n'ont rien qui ne sont pas des divinités, hein, qui ne sont ni des héros ni des divinités, qui sont des hommes avec leurs forces et leurs faiblesses. Enfin, des femmes avec leurs forces et leurs faiblesses. Alors, de corps en corps et de sensualité, il est question évidemment dans le cantique des cantiques. Et si les prudes, les dévots, les mystiques, les exégèstes persistent à ne voir dans les jeux amoureux du berger de la belle Sulamite qu'une simple mais sublime métaphore de l'amour entre le Dieu Tout-Puissant et son peuple Israël, aucune raison ne saurait interdire, au moins bien pensant, de se délecter sans réserve de l'érotisme qu'exhale selon le poème, un poème qui figure ou qui devrait figurer dans toutes les anthologies de la littérature amoureuse. Ainsi donc, le corps et le plaisir charnel ne sont ni condamnés, comme en islam d'ailleurs, ni passés sous silence dans ces temps lointains. Nul déni, nul petit tabou, nulle pruderie ne viennent s'interposer pour en minimiser la place et le rôle dans la vie des hommes et des femmes, à mille lieues donc du puritanisme bigot, de la pudibonderie, qui de nos jours tend à s'imposer dans certains milieux juifs, en particulier dans les milieux les plus observants. Hein. Et donc là, on a affaire à des choses qui se rapprochent véritablement du monde de mouvement dont on a parlé il y a un instant avec Sabrina. Alors cela étant, l'intérêt des autorités religieuses pour les questions relatives au corps est avéré de tout temps, et l'attention qu'elles leur portent est permanente. À titre d'exemple, les devoirs qui incombent à l'époux et qui figurent dans le contrat de mariage, en prenant femme, celui-ci s'engage à assurer à son épouse non seulement la nourriture, le vêtement et le toit, mais aussi la satisfaction de ses désirs sexuels. Qui plus est, la Bible considère que l'acte sexuel vaut contrat de mariage. Un avis que le Talmud et les docteurs de la loi consigneront par la suite par écrit, et dans le contrat de mariage, la Ketouba, un document qui est rédigé en araméen et dont l'origine remonterait probablement à l'époque babylonienne. Et donc là encore, le mariage, comme en islam, est un contrat. Alors pragmatique, ce contrat prévoit également les clauses et les conditions financières assurant les droits de l'épouse en cas de divorce et de décès du conjoint. Et plus largement, une régulation minutieuse des usages du corps viendra confirmer cette attention scrupuleuse. La Bible en trace les cadres et en définit les principes. Le Talmud et la tradition rabbinique ultérieure feront le reste, pour aboutir au final à un imposant corpus de décisions, de commandements, d'opinions, d'échanges de questions et de réponses entre autorités religieuses. Alors, une précision utile. Les corps en question sont féminins et masculins. Pour autant, les règles qui en fixent les usages licites et illicites sont édictées exclusivement par des hommes. Et ça, cela ne donnera personne, évidemment. C'est l'homme, et non la femme, qui signe la ketouba, le contrat de mariage, et qui délivre le guet, l'acte de divorce. Si la femme est en droit de refuser ce guet, il ne lui est pas donné de prendre l'initiative du divorce, sauf à passer par un intermédiaire, rabbin ou juge rabbinique. Et il importe en effet de ne pas perdre de vue que la Bible est écrite d'un point de vue masculin. La tradition, le Talmud et la tradition normative qui en découle ne le sont pas moins. Les textes de la tradition qui font autorité donnent le point de vue des hommes sur des sujets qui, bien évidemment, concernent prioritairement les femmes et les corps des femmes, mais sans que la vie de ces dernières soit jamais sollicitée. À titre d'exemple, le traité talmudique Kiddushin, Sanctification, consacré au mariage, et le traité Nida, qui s'intéresse aux voies de pureté sexuelle dans le cadre conjugal, concerne essentiellement les devoirs, les interdits et les obligations incombant aux femmes. Alors, voyons ce qu'il en est de l'inscription corporelle de l'identité juive, ce que j'appelle judaïser les corps et fabriquer les corps juifs. Comment cela se passe? Pour témoigner socialement de leur judéité, les juifs n'ont eu de cesse, tout au long de leur histoire, de judaïser leurs corps, de les façonner, de les mettre en conformité sociale, rituelle, culturelle, éthique, esthétique. Pour ce faire, les moyens dont ils ont disposé ne manquaient pas. L'enseignement des textes, bien sûr, l'observance des commandements, le respect des coutumes et des traditions, l'imitation des pères, hommes et femmes, mais aussi l'emprunt aux autres cultures, l'adaptation au lieu et au temps durant la longue période diasporique. Et il n'est sans doute pas exagéré d'affirmer que le mode de vie juif traditionnel se présente comme une mise à l'épreuve permanente des corps. Cela transparaît dans les faits et gestes de la vie quotidienne, comme dans les événements exceptionnels qui ponctuent le cours de l'existence, de la naissance à la mort, voire même au-delà de la mort. Et là, je reprendrai un certain nombre des éléments dont a parlé Sabrina tout à l'heure, commencer par les rites de passage, donc, c'est-à-dire que dès l'âge de 8 jours, la circoncision scelle dans la chair du nouveau-né mâle l'appartenance au judaïsme. À la veille de son mariage, la jeune fille purifie son corps en l'immergeant totalement dans le bain rituel, le mikvé. Lorsque survient la mort, le corps du ou de la défunte est préparé, lavé selon le rituel, est veillé avant d'être porté en terre. Et les juifs observants, s'agissant de l'au-delà de la mort, donc, demandent à être enterrés à Jérusalem afin de ne pas être oubliés au moment de la résurrection dont parle la prophétie. Bon. D'autres se contentent d'une poignée de terre rapportée de terre sainte qu'on leur place sous la tête. Dès le plus jeune âge, la judaïté investit le corps des enfants, donc, via la socialisation, l'apprentissage des rôles sociaux et des rapports de genre qui concernent tous les domaines de l'agir privé et public, familial et ou communautaire. Elle se construit par identification et imitation des aînés, masculins et féminins. Très tôt, les petites filles et les jeunes garçons sont invités à se familiariser avec les frontières qui délimitent les espaces dédiés aux femmes et aux sociabilités féminines d'un côté, et les espaces dédiés aux hommes et aux activités masculines de l'autre. Les jeunes filles apprennent à intérioriser et à mettre en pratique les normes qui s'appliquent à leur sexe, code vestimentaire, alliant modestie et pudeur, avant même l'apprentissage des rôles d'épouse et de mère, et des règles de pureté qu'elles sont appelées à mettre en pratique au moment du mariage, puis de la maternité. Alors, il est intéressant de noter à cet égard que c'est aux femmes qu'incombe l'essentiel des devoirs en matière de pureté conjugale, l'intimité du couple et le vécu, la sexualité, étant tributaires des cycles menstruels et des maternités qui les rendent indisponibles à leurs époux. Durant les périodes de flux, les corps des femmes sont considérés comme rituellement impurs, nida. Les rapports sexuels sont alors interdits et plus largement tous les contacts physiques. Et ce n'est qu'après l'immersion dans l'eau vive du bain rituel, au terme d'une période d'éloignement, que l'épouse peut reprendre des relations sexuelles. Donc rituellement lavée de son impureté, la femme peut alors s'unir à nouveau à son mari. Alors, ces règles sont diversement respectées. Elles sont dénoncées dans le Lévitique. Elles font l'objet d'un traité du Talmud et de nombreux recueils de questions et réponses. Alors, de leur côté, le cursus traditionnel, les cursus traditionnels propres à leur sexe que suivent les jeunes garçons, notamment et en particulier ceux qui passent par les yeshivas, c'est-à-dire par l'école talmudique, exigent également l'acquisition d'une grande maîtrise de leur corps. Les heures, les jours, les nuits de veille consacrées à l'étude nécessitent une aptitude à la concentration intellectuelle, des capacités de mémorisation, une résistance à la fatigue, au sommeil, à la distraction, à la soif et à la faim, voire à l'abstinence sexuelle pendant cette période. Et pour ne pas constituer un obstacle, mais au contraire être un support au service de la prière et de l'étude, le corps doit suivre, et là encore on trouve des analogies avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, une mise en condition, des exercices appropriés sont là pour l'y aider. Et une fois acquises et convenablement intériorisées, ces techniques visent à libérer l'homme, et cela dès la plus tendre enfance ou dès l'adolescence, de son corps qui devient alors un compagnon et un soutien, qui est supposé devenir un compagnon et un soutien. C'est donc le rôle imparti au balancement du corps qui rythme, parce que vous avez déjà vu des photos, des images émouvantes de juifs en prière, c'est le rôle du balancement justement, qui rythme le balancement du corps, du torse qui rythme la prière individuelle et l'étude. Donc, en facilitant la concentration, ces mouvements doivent permettre à l'étudiant ou au fidèle de s'extraire de son environnement, de se libérer des contingences physiques et matérielles, d'atteindre un certain état d'apesanteur, afin d'être totalement dédié à la prière et à l'étude. Bon. Alors, unis dans une commune ferveur et faisant corps avec ses pères masculins, le dévot, le racide, puisque c'est le sens du mot racide, le dévot, qui aspire à un degré supérieur d'élévation spirituelle, cherche et trouve parfois, également dans la danse, une voie d'accès à l'extase et à l'union mystique, la délécoute. Répétition des gestes, scansion régulière et accélérée, effet d'entraînement collectif. Bon, mais ces techniques, on l'a vu, qui sont connues, ne sont pas propres au judaïsme, mais le judaïsme entre également dans cette logique de ces techniques corporelles. Alors, les règles et les interdits liés au corps et au sexe concernent tout autant la gente masculine, à commencer par l'exigence de pudeur et les interdits concernant la sexualité, notamment la masturbation, l'onanisme, les pratiques homosexuelles entre hommes, que le Lévitique qualifie d'abomination. Alors, sur ces questions, d'ailleurs, la vigilance des rabbins porte essentiellement sur les pratiques masculines. L'homosexualité féminine intéresse très très peu les rabbins. On en parle très peu. Mais tout comme d'autres sécrétions et d'autres flux corporels, le sperme est considéré comme une souillure. Une souillure qui interdit l'accomplissement d'actes à caractère rituel et religieux. La prière, l'étude, l'écriture du nom de Dieu pour les rédacteurs de la Torah, les scribes. Et c'est ainsi donc, avant d'écrire le nom de Dieu, de même qu'il doit s'efforcer d'écarter toute pensée étrangère ou impure, le scribe doit se purifier par immersion dans un verre rituel. Et d'ailleurs, il est fréquent que les scribes qui écrivent donc les rouleaux de la Torah laissent en blanc le nom de Dieu et de manière à ne pas avoir à aller s'immerger dans l'eau du bain rituel à chaque fois qu'il y ait l'occurrence de ce mot, parce que sinon il n'en finirait pas. Donc il laisse des blancs et ensuite, une fois qu'ils sont passés par le bain rituel, ils remplissent les blancs. Alors ils ne le font peut-être pas sur la totalité du boulot, mais en tout cas sur certaines sections, sur certains passages. Bon, ça c'est des petits trucs de professionnels. Alors, dans certaines communautés de stricte observance, les hommes se rendent également au bain rituel le vendredi avant l'arrivée du Shabbat, le vendredi après-midi avant l'arrivée du Shabbat, avant d'accueillir ce jour que la liturgie compare à une fiancée, et pour l'accueillir donc en état de pureté physique et spirituelle, l'un n'allant jamais sans l'autre. Les soins corporels masculins font également l'objet de règles précises, interdiction de raser certaines parties du visage avec une lame de rasoir, ce qui explique les petites bouclettes, les mèches non rasées que l'on voit, et la barbe, c'est une bonne. Interdiction donc de raser certaines parties du visage avec une lame de rasoir, interdiction du tatouage, qui assimile l'homme à un animal. Et on trouve ces interdits dans le Lévitique également. Alors, la judéité s'incarne aussi dans bien d'autres indices et actes corporels encore, dans les façons de se nourrir, bien évidemment, avec les lois alimentaires de la cacheroute, je n'entrerai pas dans le détail maintenant, dans les façons de se vêtir, où par-delà les variantes régionales, quelques constantes sont repérables, je n'entrerai pas dans les détails non plus, dans un aussi, que j'ai pas trouvé de mot, donc je dirais dans un je-ne-sais-quoi, à la façon de Yankelevitch, dans un je-ne-sais-quoi qui, dans la gestuelle et dans la façon de se mouvoir dans l'espace, signale la judéité, mais aussi dans le calendrier, les rythmes de la vie, et dans l'image de soi qu'on cultive pour soi et pour les autres, juifs et non-juifs, dans le fait d'afficher, notamment, de ne pas afficher sa judéité sur son corps, et j'y reviendrai dans un instant, si tant le permet. Bon. Alors certes, le vécu juif contemporain n'a plus grand-chose à voir avec ses façons d'être, avec ses façons de faire, et de penser du judaïsme traditionnel. L'attention portée au corps, qui était jadis vécue dans l'entre-soi et dans la stricte intimité communautaire, a changé de nature, bien évidemment, au contact de la modernité, avec l'ouverture aux juifs des sociétés sécularisées et avec la fin de cet entre-soi. Et sauf pour la minorité de ceux qui tentent et qui parviennent à recréer des microcosmes juifs, où la vie juive traditionnelle reprend ses droits. Bon, néanmoins, on peut retrouver des éléments de ce que je viens de décrire, justement, dans certains de ces espaces encore dédiés à la vie traditionnelle. Cela étant, pour la plupart de nos contemporains juifs, le pacte d'alliance, comme on dit, ce moment mythique où le judaïsme s'était incarné dans un peuple, n'a pas été rompu. Il a changé de nature et de modalité d'expression. En se sécularisant, les juifs se sont donné d'autres points d'ancrage identitaire, en prise avec leur temps, où le corps n'est peut-être plus prioritaire, l'attention portée au corps n'est peut-être plus prioritaire. Bon, certes, la Torah demeure la pièce maîtresse de ce que les juifs ont allégué au patrimoine de l'humanité, mais elle a cessé d'être le guide spirituel et pratique de la vie juive, l'élément fédérateur autour duquel les juifs font corps, peuple, nation, communauté de nos jours. Le monde juif d'aujourd'hui se reconnaît volontiers autour d'autres enjeux qui sont plus prioritaires, comme Israël moderne, la mobilisation contre l'antisémitisme, qui interdit le déni des origines, ou encore la mobilisation contre l'antisémitisme, et donc qui interdit le déni des origines, ou la mémoire, qui est distincte de la tradition. Néanmoins, subsiste, quelques rites résiduels, dont certains sont précisément attachés au corps, comme la circoncision. Et ça, c'est quelque chose d'assez curieux de voir que même des familles non pratiquantes, non attachées au judaïsme religieux, perpétuent ce rite. Et là, il y a quelque chose de véritablement très intéressant. Alors, qu'en est-il de l'inscription visuelle de ce corps juif ? Et j'en arrive à cette question des représentations. Alors, je n'avais pas pensé à parler du corps de Dieu. Donc, je ne parlerai pas du corps de Dieu, mais c'est vrai que c'est un chapitre que j'aurais dû ouvrir. Je n'y ai pas pensé en préparant cet exposé. Il y a effectivement dans le judaïsme, comme dans l'islam, une forme d'anthropomorphisme, c'est-à-dire où on prête au Dieu immatériel, irreprésentable, des traits humains. Et ça, on le sait. Et ça a été diversement interprété, dénoncé par certaines autorités juives. C'est particulièrement présent dans la mystique. Et finalement, cet anthropomorphisme est essentiellement, je dirais presque pour mission, de montrer, je dirais, par l'absurde, d'une certaine manière, le caractère irreprésentable et inatteignable même de Dieu. Ce qui fait qu'on a beau lui prêter des traits ou des caractéristiques humaines, en fait, on s'aperçoit qu'il est insaisissable. Hein. Et c'est peut-être l'intérêt. En même temps, c'est le seul moyen de passer par du connu pour essayer d'atteindre à quelque chose qui est inatteignable. Donc, par identification, et en fait, on identifie Dieu à l'homme pour pouvoir en parler. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de corps de Dieu. Il n'y a pas de corps de Dieu présent. Il n'y a jamais de corps. Alors, je parle donc du corps juif et non pas du corps de Dieu. Alors, pourquoi s'intéresser au corps pour évoquer la question de l'identité juive ? Sinon, parce que le corps est ce qui se donne à voir en premier. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Avant même qu'une parole soit prononcée ou échangée, c'est-à-dire avant même qu'on entre dans une relation à l'autre, la première chose qu'on révèle de soi, de cette personne, de ce qu'on perçoit de l'autre, c'est l'apparence physique, c'est-à-dire son corps, à commencer par le visage, avec son regard, ses expressions, ses rictus, ses grimaces, ses sourires, etc., ses mimiques, mais aussi tout le reste, l'aspect physique d'abord, qui situe d'emblée la personne dans une classe d'âge ou dans une identité sexuée ou genrée, l'aspect physique, le type physique ensuite, qui renseigne tout beaucoup sur l'origine géographique ou ethnique, mais aussi le vêtement, les parures, les accessoires qui accompagnent, lesquels habillent et dissimulent le corps autant qu'ils le désignent à l'attention ou le dévoilent. La gestuelle, enfin, la façon de se mouvoir dans l'espace, qui permet elle aussi de situer socialement quelqu'un dans une culture, voire dans une religion. Autrement dit, si le corps nous intéresse, entre autres raisons, parce qu'il donne à voir et à comprendre des choses qui dépassent le corps et qui lui sont extérieures. Et c'est aussi parce que le corps exprime et dit des choses, parce qu'il se pose, s'impose, se présente, au même titre que le langage, comme une interface, un médiateur, un système symbolique, c'est-à-dire un système de sens, dont il importe, comme pour la langue, de repérer, de connaître, de maîtriser les codes dès lors qu'on entre en interaction avec la personne qui habite ce corps et que ce corps met en situation. Autrement dit, si le corps est un indicateur et un vecteur d'identité, cela suppose qu'il est une image construite, un lieu de représentation. Depuis l'époque de la reproduction industrielle de l'image et de sa diffusion, on a pu voir défiler une quantité impressionnante d'images, des photos, des portraits, des tableaux, des caricatures, des films documentaires, de fiction, d'actualité, représentant des juifs, montrant leur corps, leur visage, leurs caractéristiques vestimentaires, etc. Or, ces images, le plus souvent dessinées au grand public, ont été mises au service d'objectifs très divers. Elles ont notamment, et entre autres, été utilisées à des fins de communication ou de propagande. Il s'agissait, à partir de ces images, d'alimenter des représentations et de façonner des opinions, tantôt bienveillantes et destinées à attirer la sympathie, la compassion, la solidarité, voire l'admiration, tantôt stigmatisantes et visant à conforter des préjugés. Ces images ont participé et participent encore à la construction d'un corpus identitaire dont il est possible de dresser une typologie, et c'est ce à quoi je me suis moi-même essayée. Alors, je vous épargnerai les représentations chrétiennes du corps juif, bien que le peuple déicide ait abondamment inspiré les artistes, les théologiens, les faiseurs d'opinions, chrétiens et non chrétiens, mais essentiellement chrétiens, les prêcheurs, les missionnaires, les publicistes. Et donc, je m'en tiendrai, pour cette ébauche de typologie, à une période qui commencera à la fin du XIXe siècle. Alors, je vais d'abord annoncer le titre de chaque type que je propose de décrire très brièvement. Je commencerai par ce que j'appelle le corps déshumanisé. Lorsque l'affaire Dreyfus éclate, à la fin du XIXe siècle, donc le journal d'Édouard Drummond, La Libre Parole, et plus largement la presse de droite, enflamme l'opinion française contre les juifs. La figure du juif que cette presse offre à la vindicte populaire est celle du traître. Durant cette période, aucun juif ne peut prétendre à une visibilité égale ou supérieure à celle que s'est acquis, bien malgré lui, le capitaine Dreyfus, sous les traits du coupable, donc du traître. Si ce n'est la maison des Rothschild, qui se trouve être une des cibles privilégiées à la fois de la réaction catholique de droite et de la gauche anticléricale. Les caricaturistes de l'époque n'hésitent pas à s'approprier les corps de Dreyfus ou des Rothschild pour les dépouiller de leur forme humaine, les déshumaniser, les transformer en créatures monstrueuses, hybrides, bestiales, mais toujours identifiables grâce aux traits stéréotypés du visage. Ainsi, le corps juif est figuré par une pieuvre ou par une araignée pour dénoncer l'emprise des juifs sur le monde, leur caractère cosmopolite. D'autres en font un vampire pour dénoncer son côté prédateur, suceur de sang, en tant que représentant du grand capital. Alors, j'ai un PowerPoint avec des photos, mais je me suis dit que pour le dictionnaire, on ne pourrait pas l'utiliser, donc je ne l'ai pas jugé bon de l'apporter ici. Mais si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement un jour vous le montrer. Le corps invisible. Pourtant, l'image réelle qu'offre le capitaine Dreyfus est tout sauf celle qu'on se fait du juif. Car en tant que juif, Dreyfus est invisible. Il ne présente aucun trait physique, aspect, type, vêtement, gestuel, susceptible de révéler une judéité qu'il vit discrètement dans l'intimité de son foyer. Dreyfus est le digne représentant du franco-judaïsme, le prototype parfait de l'israélite produit par le Second Empire et la Troisième République, et il n'a rien de particulier à offrir au regard, sinon l'apparence sobre et réservée du militaire qu'il est avant tout, et que rien ne distingue de ses pairs. Il convient donc de lui tailler une image à la mesure du rôle qu'on lui assigne, et surtout de ne pas hésiter à jouer sur les fantasmes et sur les peurs. Et c'est ainsi que la banalité de sa personne physique et sa non-visibilité juive sont retournées contre lui. Dreyfus se fond volontairement dans le paysage et se rend invisible pour mieux nuire. Son absence de corps juif, son insignifiance physique ne sont qu'un masque sous lequel il cache sa turpitude pour ne pas attirer le soupçon. Et on peut lire ce genre d'analyse dans une presse antisémite largement diffusé. Le corps menaçant. Par chance, pour les mêmes publicitaires et pour les mêmes faiseurs d'opinion, une autre figure du juif, bien réelle celle-ci, mais poussée jusqu'à l'outrance dans son usage médiatique, vient rivaliser dans l'opprobre avec celle de Dreyfus et des Rothschild. C'est celle du juif du ghetto, du sémite barbu, lipu ou nez proéminent, en caftan et chapeau. À la différence du juif Dreyfus, dont l'image médiatique est fabriquée, ce juif-là existe bel et bien. La presse et la littérature d'époque s'en rebaissent d'autant plus à l'aise que, à la différence de Dreyfus encore, cette image-ci a l'avantage de désigner non seulement un juif qui se donne à voir comme tel, mais un étranger. Il est vrai que le spectacle qu'offre ces Ostjuden, c'est-à-dire ces juifs qui viennent de l'Est à partir des années 1880, qui arrivent à la gare du Nord ou à la gare de l'Est à Paris, le spectacle qu'ils offrent à leur arrivée à Paris ou à Berlin est désolant. Bon. Loin des belles juives, et c'est une catégorie également de la typologie des belles juives de l'orientalisme à la de la Croix, loin donc des belles juives exotiques et pittoresques, exaltées donc par la vague orientaliste de l'époque, ces juifs russo-polonais incarnent dans leur corps la réalité cruelle de la condition de paria. Et là encore, et cela vaudra jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la presse antisémite, de même qu'une certaine littérature, se déchaîneront contre ces Asiatiques, ces hordes barbares, ces envahisseurs qui viennent corrompre la France et manger le pain des honnêtes Français. Autrement dit, la figure diverse et changeante du juif fera les délices de ses faiseurs d'opinion pendant tout l'entre-deux-guerres, période où les ligues nationalistes rivalisent de violence et d'abjection dans leur diatribe xénophobe et antisémite. Avec la crise économique de la fin des années 20, avec la montée des tensions politiques tout au long des années 30, enfin avec la déclaration de la guerre puis la guerre, les corps juifs se font menaçants. Ils incarnent tour à tour, sous le crayon des caricaturistes, les gros et le capitalisme, au moment du krach de 1929, la subversion communiste sous front populaire, avec Léon Blum et la guerre d'Espagne, où de nombreux juifs s'engagent dans les brigades internationales, le camp de l'étranger et la cinquième colonne, à la veille de et pendant la guerre, le bénéfice et le profit à la déclaration qui est au début de la guerre. Le corps souffrant, christique, on va quand même en parler, tu vois. Il faudra... De toute façon, on est rentré dans la dernière partie de l'exposé, dans un jeu de miroir. Bah oui. Là, on est bien dans un monde d'anthropologie commune, avec des fronts inversés. Il faudra donc attendre les premiers effets visibles des lois anti-juives de Vichy et la grande rafle du Vendiv en juillet 1942, pour que, à la figure du juif malfaisant distillée par la propagande nazie et collaborationniste, vienne timidement se superposer celle de la victime, du porteur de l'étoile jaune d'abord, puis, et bien plus tard, celle du corps souffrant, parfois transfiguré en corps christique, comme dans les tableaux de Chagall, par exemple. Il n'est pas le seul à s'être emparé de la métaphore christique, justement, pour désigner le juif victime. Et donc les images des camps de la mort et de l'extermination, celles des déportés squelettiques en pyjama rayé avec leur numéro tatoué sur le bras, n'apparaîtront que bien plus tard, bien après la libération. Car au lendemain de la guerre, les juifs et plus encore les déportés juifs n'intéressent plus ou n'intéressent pas encore. Les préoccupations et les priorités du moment vont ailleurs, à la reconstruction et à la réconciliation. Donc pour une courte période, parce que leur simple présence soulève des questions embarrassantes, les juifs se voient refuser toute visibilité. Ils sont à la fois invisibles et condamnés au mutisme. On a souvent dit qu'ils n'ont pas voulu parler, mais ce n'est pas vrai, c'est ce qu'on a surtout n'ont pas voulu les écouter, ce qui est tout à fait différent. Le corps héroïque. Ce n'est qu'à la fin des années 40, avec la création de l'État d'Israël, que les Juifs retrouvent une visibilité. Mais alors, leurs corps sont complètement relookés. Ceux qui, au cours des années précédentes, n'avaient été représentés que sous les traits des victimes, à l'exception de tables des résistants du ghetto de Varsovie, se voient soudain mués en héros, en hommes et en femmes capables de se battre et de prendre les armes. Revanche du sort et de l'histoire, l'homme juif nouveau est en train de naître sous le regard médusé des nations. À l'image du vieux yid du ghetto, à celle du déporté décharné, se substituent les corps héroïques des bâtisseurs et des défenseurs du jeune État, incarnés par le sabra, un homme ou une femme dans la force de la jeunesse, robuste et musclée. Le visage de la petite Anne Frank est bientôt remplacé par des portraits d'hommes et de femmes, souriants et bronzés, posant sans complexe en short ou en uniforme de l'armée juive devant les objectifs de la presse internationale. Jusqu'à la guerre des six jours, l'inscription corporelle de l'identité juive retiendra prioritairement l'image du pionnier, du soldat paysan, de généraux en bras de chemise, de pilotes de mirage. Pendant ces années, ces mises en scène de corps juifs occuperont le devant de la scène médiatique juive et internationale. Mais cela doit d'autant moins étonner que ces nouvelles images, contrairement à celles qui les avaient précédées, sont pour une bonne part façonnées par les juifs eux-mêmes. Autre page de l'histoire, autre image, autre corps juif, avec les suites de la guerre des six jours et surgissement de la question palestinienne. Au fur et à mesure que l'étoile d'Israël pâlit au firmament de l'opinion internationale, non seulement l'image médiatique des Israéliens se brouille, mais certains des stéréotypes jusque-là utilisés par la propagande israélienne sont repris et retournés à leur profit par les Palestiniens. C'est le cas par exemple des figures bibliques de David et Goliath, où les rôles sont inversés, et où c'est Israël qui se voit identifié au Philistin Goliath et les Palestiniens, dont l'étymologie renvoie à Palestine. Sont représentés par le petit David. Corps d'oppresseur et corps victime. Enfin, avec l'intifada, la répression israélienne, les attentats suicides, ce brouillage des images et des corps atteint son paroxysme, puisque les juifs israéliens sont représentés simultanément comme les oppresseurs des Palestiniens, mais aussi comme les victimes d'attentats, les victimes dont les corps sont irreprésentables parce que pulvérisés. Il est frappant de constater qu'il a été fort peu question jusqu'ici de figures religieuses à proprement parler. C'est pas faute de les avoir cherchées. Sauf pour les Ostjuden, donc ces juifs de l'Est, physiquement identifiables par leur façon de s'habiller en accord avec la tradition et les préceptes religieux. Ce qui semble indiquer et confirmer que l'inscription corporelle de l'identité juive, telle qu'elle a pu se donner à voir dans l'espace public, médiatique, politique, durant la période considérée, ne relève ni exclusivement, ni même prioritairement du registre religieux, dans le strict sens où nous l'entendons. Et cela n'a rien qui puisse étonner ou surprendre lorsqu'on sait l'impact qu'a eu la sécularisation sur le monde juif dès le XIXe siècle. D'où l'importance accordée aux caractéristiques corporelles, force, faiblesse, beauté, laideur, et l'invention d'un type juif ou sémite supposé correspondre à une réalité anthropologique. En l'absence de signes religieux distinctifs, ce sont les signes anthropométriques qui prévalent. Or, les exemples précédents montrent que, comme pour les signes religieux, ces marqueurs anthropométriques ne sont pas toujours au rendez-vous. Bon. Quel indicateur anthropométrique permet de reconnaître le juif chez Dreyfus, le général Dayan ou le soldat de Tsaral, sinon ce que je sais d'eux par ailleurs, c'est-à-dire leur histoire et le contexte dans lequel ils apparaissent. Cette invisibilité juive explique pourquoi, en l'absence de critères objectifs d'identification inscrits à même les corps, hormis la circoncision bien évidemment pour les hommes, les nazis et leurs collaborateurs se sont vus dans l'obligation de procéder à partir d'autres critères discriminants, l'ascendance familiale, et de se doter d'autres moyens d'identification, comme le port de l'étoile jaune, avatar moderne de la rouelle médiévale. Ce qui, à l'évidence, n'eût pas été nécessaire pour les minorités dont aujourd'hui on appelle les minorités visibles, comme les Noirs ou les Asiatiques. Pour les Juifs, évidemment, la question se posait dans des termes différents. J'en viens maintenant à mon dernier type, le corps ambigu, dévot ou identitaire. Venons-en enfin donc à la dernière période, celle qui s'ouvre à la fin des années 70 et qui se prolonge jusqu'à nos jours, et qui voit revenir les figures juives qu'on croyait appartenir au passé. Ces juifs ne mettent plus en scène un juif émancipé, normalisé, sécularisé, dont le corps juif, précisément parce qu'il est devenu invisible, n'offrirait aucune prise à une lecture d'écriptage juif. Elles ne mettent pas davantage en scène une version israélienne du juif invisible, c'est-à-dire le corps d'un juif sécularisé, décomplexé, normalisé également. Elles présentent un juif qui, parti en quête de son identité, redécouvre pour son propre usage le sépia des anciennes photos de la vieille Europe. La barbe et les papillotes pour les hommes, les vêtements pudiques, rappelant plus ou moins ceux de lointaines aïeules pour les femmes, des corps d'aujourd'hui, autrement dit, qui font le pari de s'envelopper dans des habits d'hier. Et c'est ainsi que les néo-orthodoxes ashkénazes et séfarades des deux sexes d'aujourd'hui déclinent de façon délibérément ostentatoire leurs identités retrouvées, réinventées pour certains. Sur un registre religieux réactualisé, ils arborent leur judéité sur leur corps. Mais à la différence des époques antérieures, loin d'être stigmatisant, ce particularisme vestimentaire est revendiqué, assumé. Il se veut engagé et militant. Il donne lieu à toutes les variantes, strictes ou fantaisistes, ternes ou colorées, chic ou décontractées, occidentales ou tournées vers l'Orient. Et j'avais envie de faire une étude sur le vêtement, justement, de s'y retrouver, et ce qu'on voit aussi chez les femmes musulmanes, tous les styles vestimentaires, finalement, se donnent à voir. Et donc, chez les jeunes filles et les jeunes femmes qui ne renoncent ni à la coquetterie ni à l'élégance, la mode néo-orthodoxe intègre des influences et des styles les plus divers, à commencer par la mode hippie des années 70-80, lorsque ce phénomène a commencé. En fait, on a l'impression que quand on se promenait dans certaines rues de la vieille ville de Jérusalem à cette époque, on avait l'impression que toutes ces femmes néo-orthodoxes, en particulier les jeunes femmes, se prenaient pour Rebecca, pour la reine Esther. Hein. Elles avaient ce côté. Alors, du coup, elles intégraient totalement des images orientalistes et ces figures bibliques. C'était assez intéressant à voir. Et en Israël même, donc, ce nouveau profil religieux est incarné notamment par le colon des territoires portant barbe, calotte et fusil. Conçu et perçu comme un mode d'expression individuelle, ce corps ainsi utilisé comme support de l'affichage identitaire se présente comme un instrument mis au service d'une cause. En se donnant à voir comme les tenants de l'authenticité juive, sous sa double version orthodoxe et nationaliste, et religieuse et politique, ces juifs militants deviennent des acteurs de véritables campagnes de rejudaïsation, où il s'agit pas seulement d'afficher son identité sur son corps, mais aussi de reconquérir des espaces physiques et symboliques. Alors des territoires concrets en Palestine, comme les colons dont j'ai parlé il y a un instant, mais aussi dans la diaspora, et en France en particulier, l'espace public de la République et de la cité, un espace public français, par exemple, ils entendent saturer de symboles, d'images, de sons, d'objets, de gestes religieux, comme les campagnes d'affichage, les allumages de bougies de Hanouka, la reconstitution de rues et de quartiers juifs dans des villes et dans certains quartiers ou dans certaines banlieues. La visibilisation, l'ostentation, l'identification immédiate par le corps et l'apparence physique peuvent ainsi être compris comme des éléments parmi d'autres d'une stratégie plus large d'affirmation de soi, de réappropriation d'une identité trop longtemps stigmatisée, dévaluée, calomniée, délégitimée. Alors, l'image du corps comme lieu de la visibilité juive, maintenant, et j'en terminerai par ça. Pendant longtemps, la visibilité consentie aux juifs a été une visibilité où l'image des corps juifs était contrôlée et mise en scène par les non-juifs. Elle était dramatisée aux trans, comme je l'ai montré tout à l'heure. Or, un des grands changements du dernier demi-siècle tient au fait que l'image des juifs n'est plus une image imposée, n'est plus seulement une image imposée construite par les autres. Elle le reste, bien évidemment, mais n'est pas que cela, mais elle est une image consentie et largement façonnée par les juifs eux-mêmes, une image qui entend s'inscrire dans la transparence et la permanence. De nos jours, la présence physique des juifs, ici ou ailleurs, dans l'Hexagone comme en Israël ou en Amérique, leur présence dans la cité, dans les médias, dans la politique, dans la culture, entend s'inscrire dans la normalité, c'est-à-dire dans la durée, dans la stabilité. En s'exposant sans complexe au regard et au jugement des autres, en affichant leur particularisme aux côtés d'autres particularismes dans un espace public partagé par tous, les juifs qui font ce choix jouent à leur insu peut-être la carte de la banalisation, l'objectif à terme étant pour eux de devenir, par la force de l'accoutumance, invisible et insignifiant. Ainsi, la nouvelle image que consentent à donner d'eux-mêmes les juifs qui font le choix d'inscrire leur judaïté sur leur personne semble induire un double effet. Un effet sur les juifs eux-mêmes, en donnant à voir et à entendre à leurs coreligionnaires que dans la France d'aujourd'hui, le judaïsme peut être vécu et débattu au grand jour et sans complexe, que dans une France démocratique, même en crise, les juifs n'ont plus à assumer leur judaïté sur un mode schizophrène ou marane, et qu'à la différence des périodes passées, ils peuvent être totalement citoyens et juifs sans que cette double identification puisse leur être imputée en faute. Mais elle produit également un effet sur l'ensemble de la société française, en donnant à voir aux juifs et aux non-juifs qui vivent dans la cité que des alternatives au modèle assimilationniste français seraient non seulement légitimes, mais possibles. Par exemple, il propose, ces juifs parviennent-ils à convaincre qu'il est possible, moyennant le respect du consensus démocratique et des règles communes, de concilier modernité et mode de vie traditionnel, respect de la laïcité et observance religieuse, citoyenneté et adhésion communautaire. En prenant comme ils le font l'ensemble de la société à témoin, les juifs qui s'engagent dans cette voie de l'inscription corporelle de leur identité parviennent-ils à convaincre leurs concitoyens de la légitimité de cette démarche? À l'évidence, la question et le débat restent ouverts, d'autant plus ouverts après le triple attentat de Toulouse-Montauban de mars 2012, dont les cibles visées et atteintes étaient des corps identifiés, des corps militaires, des corps noirs, des corps maghrébins, des corps de rabbins, des corps d'enfants, des corps juifs. Cet événement aura-t-il pour effet d'interrompre ou de remettre en question ce lent processus de banalisation, ou aura-t-il l'effet inverse? Il est évidemment encore trop tôt pour le dire et pour se prononcer. Voilà, je reste là. Merci beaucoup. Alors, là, il y a quelque chose que je trouvais. À un moment, tu as parlé de dans la prière, le non. juif dans la prière. Oui. Le juif s'extrait de son environnement. Ça peut être aussi par la danse, par le balancement, oui. par la danse. Bon. Donc, si tu veux, c'est la dimension du corps, mais c'est la dimension du corps vraiment très individuelle. C'est-à-dire, c'est à travers son corps individuel qui va se mettre en relation avec la divinité. Et moi, alors, on n'a pas parlé du tout, là, puisque la Hennette n'est pas venue, mais dans les Amériques, justement, c'est aussi le corps qui sert de médiateur religieux, mais ce corps, il est toujours replacé en tant que corps individuel à l'intérieur d'une dimension communautaire. Et par exemple, dans les rituels d'initiation et dans les rituels de, il y a une fête funéraire, il y a toujours un rapport à la communauté, c'est-à-dire que dans les rituels d'initiation, on s'initie avec d'autres, mais on a soi-même son initiation qui est particulière. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut montrer à l'ensemble de la communauté qu'on est rentré dans la communauté. Et cette chose-là, elle est indispensable, disons, c'est-à-dire l'individu n'a de réalité religieuse que si on le rapporte à une communauté religieuse. J'ai pas eu l'impression en t'écoutant que ça passait exactement à travers ça. Alors là, le corps est en fait, chaque individu a son corps, donc c'est un acte individuel. Bien sûr, oui. Mais en même temps, une prière peut être, enfin, disons dans l'absolu, parce que dans la pratique c'est plus compliqué, mais une prière n'a de sens que comme étant une prière collective. L'individu à sa valeur intrinsèque, bien évidemment, mais en même temps, il ne peut s'exprimer pleinement en tant que juif au sein d'une communauté. Par exemple, qu'il y ait une prière communautaire, il faut qu'il y ait 10 hommes. Ah, d'accord, c'est ça, oui. C'est le minimum. Mais la danse est toujours collective. D'accord, la danse n'est pas une danse individuelle. Autant la prière peut être individuelle à certaines occasions, même si elle est en général collective. Quand j'écoutais, j'avais l'impression que le rapport à la divinité, en fait, ne passait que par le corps individuel. C'est un corps collectif, parce que la danse, c'est très différent. On ne verra jamais un juif danser tout seul. C'est les danses racidiques, surtout, mais qui sont à l'occasion des fêtes, à l'occasion de la fête de la Torah, ou dans les mariages, ou des choses comme ça, où là, il y a une liesse collective, et entre hommes, bien évidemment. Et comment? Eh bien, ils font une espèce de serpentin. Ça s'appelle ? Ça, c'est pas de nom particulier. Ah bon ? Excuse-moi, non, mais ma question était connexe à celle de Marion, qui était réellement la portée de l'expression faire corps. C'est-à-dire, tu as employé cette expression, alors est-ce que c'est une commodité de quelqu'un qui fait des sciences des religions, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait vraiment sens dans le judaïsme? Parce que moi, je te dirais, faire corps, c'est l'essence du christianisme. On appartient au corps du Christ. Quand on dit faire corps, ça montre bien que finalement, dans le modèle anthroposocial qu'on forme, c'est le problème de l'englobement du corps dans un contenant qui s'appelle le corps. Toute la pertinence de la question de Marion. Finalement, est-ce que le minyan, les 10 hommes nécessaires pour faire communauté, ça emprunte le vocabulaire métaphorique du corps? C'est un vocabulaire métaphorique, qui n'a rien à voir avec le corps ici. Métaphorique. Est-ce qu'on y recourt dans est-ce que c'est ton expression à toi, je veux dire, avec de commodité, ou est-ce que c'est quelque chose qui est une référence du judaïsme à lui-même, c'est-à-dire qu'en communauté... On n'emploie pas le terme de corps, mais ce serait plutôt, je dirais, une expression des sciences sociales qui utilise la métaphore organique. Voilà. Donc, j'ai dit la métaphore organique. Parce qu'on parle de corps social. Ce que j'ai pas dit par rapport aux Afro-Brésiliens, c'est qu'il y a cette dimension dans l'initiation dans laquelle on leur met dans le crâne, à un moment, on leur met ce qu'on appelle lâcher. C'est-à-dire de la cire avec diverses choses, on le leur met concrètement à l'endroit de la forme, là où reste un petit bout, là, un petit écart à la place de la fontanelle. Et quand les gens meurent, on retire ce petit cône de cire et on le remet dans la chaise de la communauté qui se trouve au milieu du terreiro, au milieu du temple, en quelque sorte. Et donc là, c'est vraiment l'insertion corporelle de l'être individuel dans la communauté. Et une fois que cet être individuel n'est plus vivant, on reprend ce qu'il avait de la communauté pour le remettre dans la communauté, pour que ça redevienne, ça revienne à tout le monde. Alors là, l'autre métaphore, je dirais que peut-être, de façon un petit peu tordue, peut-être, j'en sais rien, mais ce qui pourrait se rapprocher le plus de celui-là, c'est la circoncision. Ben voilà, non, mais c'est alors, la circoncision. C'est la circoncision, parce que là, véritablement, c'est le pacte d'allégeance, disons, c'est l'entrée dans l'alliance. Hein, et l'alliance ne peut être que collective, bien évidemment, c'est pas une alliance individuelle. Et donc, c'est là qu'on entre dans la communauté d'Israël. Voilà. Alors, tu as donné une autre réponse. Et il y a autre chose. Alors, il y a une pratique qui est plus tardive, qui est que les langes de la circoncision, parce que l'enfant, quand il a été circoncis, évidemment, il est quelques jours avant de mourir, donc il est langé d'une façon particulière. Les langes qui ont servi à la circoncision ensuite, alors, ça, c'est une pratique qu'on a retrouvée en Alsace et dans certaines régions de l'Est. Ces langes, évidemment, sont lavées, ils sont brodés au nom de l'enfant, et ensuite ils sont offerts à la communauté pour servir de parure à la Torah. C'est-à-dire que les rouleaux de la Torah sont enroulés avec les langes. Des langes, oui. Alors, je peux te demander une chose, parce que je n'ai aucune idée de comment ça se passe. Ce sont de grandes bandelles. Que devient le prépuce? Alors, le prépuce, il n'a pas de destination particulière. Pas du tout. Non. Oui. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est étonnant. Parce que peut-être tu as donné aussi une autre réponse à cette question. On est juif. Ben oui. On est juif, tout à fait. Bon, donc, j'allais dire, ça, c'est... Mais on peut se convertir. Oui, oui, d'accord. J'allais dire, avec la tension qu'il y a dans le judaïsme, est-ce qu'on peut considérer une conversion? Il y a des... Ben voilà. Il y a aussi toute la tension dans certaines périodes du judaïsme. Où est-ce que... un juif converti est un vrai juif. Ah oui, non, le juif. Alors, évidemment, après, il y a les, comment dirais-je, il y a les conflits de communautés d'obédience où certaines, les orthodoxes ne reconnaissent pas les conversions des orthodoxes. Oui. Enfin, je dirais que c'est le judaïsme moderne. Oui. C'est les deux derniers siècles. Dans le judaïsme ancien. Mais dans le judaïsme ancien, dès lors qu'un juif est converti, on lui donne un nom et on n'a même pas le droit d'évoquer qu'un jour il a été non-juif. J'avais en tête des passages de Judas à Lévi, dans lesquels, malgré tout, la conception de la conversion, c'est un judaïsme de second ordre. Ah ben, certains disent que la ville royale, c'est la naissance. Oui, voilà. Sauf qu'encore une fois, si j'ai insisté au départ sur la question de la conversion en parlant de Ruth, c'est parce que la triple allégeance de Ruth au Dieu, au peuple, au lieu, dans la prière qu'elle fait à sa belle-mère, c'est vraiment l'acte le plus complet de l'engagement dans la judaïté telle qu'on l'a comprise par la suite. Bon. Et je dirais qu'en toute orthodoxie, le converti est un juif à part entière. Hein. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la lignée davidique est issue de Ruth. Et on y insiste pour montrer que même une convertie peut donner naissance au Messie. Justement, c'est pour montrer que dès lors qu'elle est convertie et que sa conversion est considérée comme est acceptée, ce qui est le cas en général, sauf encore une fois à l'époque moderne, mais ça c'est les querelles modernes, il n'y a pas de problème. Alors, il y a d'autres grands exemples de rabbins. Rabbi Akiva était supposé être un converti, alors que c'est un des grands de la Torah, c'est un des grands du Talmud. Donc, hein, il y a des grands sages de la tradition qui ont été des convertis, qui venaient des légionnaires romains, qui sont devenus des grands sages du Talmud. Donc la conversion est une entrée tout aussi légitime dans le judaïsme que la naissance. Mais c'est vrai que pour la plupart des juifs, ils sont juifs. Biologiquement, est-ce qu'on peut la filiation par le père? Est-ce qu'on peut être demi-juif? Est-ce qu'il y a une conversion intermédiaire quand on a un père non-juif et un père? Non, c'est conversion totale. Est-ce qu'il y a des accommodements et qu'on peut considérer que la mère? Alors justement, la question de la transmission, enfin la filiation, la transmission passe par la mère. Il est évident qu'à l'époque actuelle, avec la multiplication des mariages exogames, une grande partie des enfants nés de ces couples exogames sont considérés comme non-juifs et sont perdus, je dirais, pour le judaïsme, si on continue à fonctionner sur ce mode. Parce que il fut un temps où, si vous voulez, la question de la reconnaissance par la mère, c'est tout simplement une question, je dirais, tout simplement pragmatique. C'est qu'on est sûr de la mère, on n'est pas sûr du père. Et pas pour des raisons triviales, mais pour des raisons historiques, des conjonctures, des circonstances, comme tu disais tout à l'heure à propos du mariage provisoire, pour des raisons pragmatiques, mais pas pour que les enfants aient un statut. Oui, hein, pour que les enfants aient un statut, il fallait être au moins assuré de la mère. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand les pères étaient envoyés à la guerre, ou quand ils étaient en diaspora, quand ils des viols, des choses comme ça, il fallait pour moi l'enfant qui allait naître, soit. Aujourd'hui, dans certains mouvements du judaïsme libéral et réformé, on remet en question cette réglementation, qui est une réglementation rabbinique, donc qui peut être amendable. Ce qui sort de la Bible n'est pas amendable, parce que c'est supposé être d'origine divine, mais ce qui vient du Talmud est amendable. C'est-à-dire ce que les hommes ont fait, ils peuvent le défaire. Donc on pourrait très très facilement, enfin très facilement non, mais enfin, en toute orthodoxie, on pourrait revenir sur cette décision. Simplement, comme elle a valeur de coutume, la coutume vaut la loi. Elle a une valeur effective, réelle. Bon. Mais il y a certaines communautés juives libérales ou réformées qui acceptent aujourd'hui de reconnaître comme juif un enfant dont l'un des parents est juif, indépendamment, soit du père. Mais ils sont très très très minoritaires, ils ne sont pas reconnus par d'autres. Alors la question de la reconnaissance, évidemment, c'est important, parce qu'après, s'il veut se marier, est-ce qu'il sera considéré comme juif ou pas, etc. Ça, je reconduis. Pour la loi du retour, Israël ne reconnaît pas l'éducation par le père, etc. Donc là, il y a des conséquences énormes sur le devenir. Ensuite. Donc s'il veut devenir juif, en fait, il faut qu'il se convertisse. Il faut qu'il se convertisse. Moi, je vais m'excuser, il va falloir que je parte. Vous êtes absolument autorisé à continuer, bien évidemment. Je voulais simplement dire avant de partir qu'on s'aime tellement qu'on continue demain. Donc demain, il y a une séance exceptionnelle pour terminer l'année. Jeudi, donc demain, 15h-17h, salle Alphonse Dupron, où il sera question de royauté sacrée. Donc vous êtes les bienvenus, tous. À commencer par toi. Oui. Moi, je voulais juste mais... poser une petite question par rapport à la représentation de la divinité. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'effectivement très intéressant. Parce que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, en Inde, on trouve plus ou moins la même chose que je trouve dans les religions afro-brésiliennes. C'est-à-dire que la représentation du Dieu n'est pas... ce ne sont pas des images ou des choses comme ça, c'est une pierre. Et chez les Afro-Brésiliens, c'est aussi une pierre. Dans le sanctuaire, le Dieu est représenté essentiellement par une pierre, pas par une image. Mais par contre, l'histoire des dieux, toute la mythologie qui l'accompagne, comme chez vous, c'est très anthropomorphique. C'est-à-dire, les aventures des dieux sont absolument exactement les aventures qui peuvent arriver à n'importe quel être humain. Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont en fait, dans les deux cas, des polythéismes. Et justement, par rapport au monothéisme, on se trouve face au contraire. Le dieu ne peut pas être représenté anthropomorphiquement. Enfin, il l'a été... Le corps ne peut pas. On lui prête des sentiments humains, c'est-à-dire qu'il est jaloux, il est terrible, il aime, on lui prête à la divinité, c'est-à-dire à Allah et à. Il est vengeur. Il n'est pas que ça, il peut être très gentil aussi. Vengeur, mais je ne pense pas qu'on lui prête. On est décrit par ses attributs, c'est à part de la divinité. Donc il est tout puissant. Savant, tout puissant, omniscient. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec les êtres humains. Savant, tout puissant, etc. Il n'y a pas un être humain qui soit tout ça. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ce qui forme la structure mythologique, ça a à voir, dans le cas de l'Inde et dans le cas des Afro-Brésiliens, ça a absolument tout à voir avec la vie des humains, sur la Terre. Alors que les divinités des monothéismes, non. Il n'y a aucun intercesseur, en fait. Voilà. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas de dieu. Voilà. Dans le catholicisme, c'est pour ça que je dis que le catholicisme est un faux monothéisme, parce que là, il y a plein d'intercesseurs. Alors par contre, tout ce qui est description corporelle de Dieu, ça m'a beaucoup d'intérêt. Oui, c'est ça. Alors dans la tradition populaire juive aussi, il y a des saints, parce qu'on l'appelle des saints, mais ils n'ont pas véritablement de statut reconnu. Ils sont pratiqués, il y a des choses qui existent, mais ils n'ont pas véritablement... Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de sanctuaire. Il y a des personnages qui sont, il y a des temps avec des personnes. Mais ce n'est pas vraiment des cultes. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une forme superstition qui s'attache à certains personnages, qui donne lieu à des rituels, à des cultes, mais c'est quand même très, très, très marginal par rapport au judaïsme orthodoxe, mais qui parfois se l'approprient précisément parce que c'est populaire. Mais tout ce qui est très corporel, enfin, description corporelle, à ce moment-là, ça c'est vraiment relégué, enfin, relégué, si on peut dire, je sais pas, mais ça appartient au domaine de la mystique. Hein, de la mystique. Ah oui. L'histoire des visions d'Ézéchiel, enfin, toutes les visions, tous ces tombeaux des anges, les sept palais, toutes ces choses-là qui se rapportent au séjour de Dieu. Et il y a cette description physique, ça relève du domaine de la mystique, c'est-à-dire qu'on est quand même là dans des sphères qui sont pas celles de l'humain. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est une façon aussi de montrer son universalité. Bon, ce qu'il faudrait qu'on voit quand même maintenant, c'est comment faire une notice de dictionnaire à partir de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et ça, c'est encore une autre affaire, et il va falloir qu'on y réfléchisse. D'autant qu'il manque quand même au moins le christianisme. Oui, mais enfin, oui, bien sûr. Enfin, là, aujourd'hui, c'est dans le cadre des sectes. Oui. Est-ce que vous pourriez présenter des... Je vous regarde tous les deux. Je vous regarde entre les deux pour que vous soyez présentés tous les deux concernés. Est-ce que vous pourriez envisager de présenter un texte vous avez une version écrite de ce que vous avez dit? Non, moi, absolument pas. Vous avez une petite feuille de papier? Il a copié. Non, moi, j'ai une petite version écrite. Bon, parce qu'il faudrait qu'on essaye de voir comment... Tout dépend des échéances. Il faut qu'elles soient très lointaines. C'est-à-dire avant la fin de l'année, ça me paraît très difficile dans mon cas. Mais de toute façon, il faut que ce soit beaucoup plus court. Enfin, j'imagine. Oui, non, bien sûr. Je veux bien vous donner ce que j'ai. Écoutez, il va falloir qu'on y réfléchisse. Je peux très bien vous donner ce que j'ai, il n'y a aucun problème. Mais il y a 10 pages, et puis il y a toute la partie que Gilles a traitée, donc moi, c'est tout. Ouais. Non, parce que je pense que là, il y a véritablement une complémentarité entre ce que vous avez dit. Oui, deux, tout à fait. Et ça, c'est dommage de ne pas avoir absolument, sinon, ce que je dis n'a pas de sens si tu n'as pas parlé. Donc, il faut. Non, en plus, moi, on n'avait pas le temps pour la discussion, mais la notion de communauté ou de faire corps, ça pose des questions différentes complètement en Inde. C'est pas que je sois complètement absent, mais ça serait intéressant de répondre à ça. C'est-à-dire que les pratiques religieuses sont individuelles complètement. Oui. Par contre, la notion de caste, la caste est une sorte de corps d'une certaine façon. Dans le sens sociologique, maintenant on se convertit, mais normalement on est hindou, mais on est dans une caste, on n'est pas hindou en général. C'est ça, parce que c'est ça. Ça, c'est très intéressant aussi. Ouais. Non, mais écoutez, il faudrait qu'on voit comment tricoter tout ça pour en faire. Enfin, une notice à plusieurs compartiments, bien sûr, parce que ça sera peut-être un peu compliqué, mais je pense que si on se donne un peu de mal, on devrait y arriver quand même, parce qu'il y a à la fois des choses qui se rejoignent, donc ce qui serait intéressant, ce serait peut-être d'essayer de trouver des axes communs, et puis en même temps que bien dessiner les spécificités de chaque univers dont il a été question. Et puis peut-être trouver dans une conclusion les points forts, les choses qui peuvent éventuellement rebondir sur d'autres problématiques, en tout cas celles que vous venez d'évoquer, la question du corps, la question de l'anthropomorphisme, etc. Des questions un peu plus chapitres, c'est pas évident. On voit qu'il y a des axes qu'on partage, Absolument. Sur la souffrance ou pas, justement. Voilà. Donc. Et puis le fait de cacher tout le corps, tout. Tu n'as pas apparemment voulu développer, mais parce que le corps dans le judaïsme n'est pas un aussi caché. Oui, mais j'ai parlé de pudeur, enfin j'ai sans développer, oui, effectivement. Et puis bon, enfin, oui, ça, je sais. Il y a des choses qui sont pour les cheveux aussi. Donc ça, c'est rien. C'est moderne. Il y a des questions. Oui, en fait, tout ça, c'est vous, bien sûr. Parce que j'ai parlé justement de la solution. Oui, c'est ça, je l'ai évoqué sans développer, mais justement, et là je crois qu'il y a des axes parallèles, des choses qui sont loin. Mais, tout à fait. Il faudrait une espèce de grille, pas forcément très fine, au contraire, sur laquelle on peut se positionner, puis à partir de là. Écoutez, si vous avez des suggestions à faire, déjà si vous pouvez, Véronique, avoir votre papier, ou en tout cas une ébauche de votre papier, oui, ça c'est facile. C'est déjà quelque chose que j'avais écrit par ailleurs. D'accord. Donc, ça, vous pouvez l'envoyer par email. Et puis, on voit ensuite comment organiser tout ça, comment faire un début d'entrée. Alors évidemment, on a des contraintes de signes, c'est-à-dire que tant que c'est en ligne, il n'y a pas véritablement limite, mais comme ces textes qui sont en ligne, qui sont mis en ligne dans un premier temps, sont ensuite repris pour une version complétée de réédition du dictionnaire, alors à ce moment-là, il va falloir qu'on reprenne les contraintes du papier. Et donc, le maximum qu'on puisse autoriser pour l'entrée, c'est 30 000 signes. 30 000 sur l'ensemble, donc ça fait... Alors, sur l'ensemble, ou bien on peut voir, on peut faire le corps 1, corps 2, corps 3, on peut voir, par exemple. Oui, chez. Non, enfin, je veux dire, on peut très bien. Ah oui, décliner. Oui, on peut décliner, on peut ça, on peut s'arranger. On ne voit quand même pas ce contraint de trop méchamment. En tout cas, merci, hein, parce que je crois que. Merci à vous d'avoir.